petit tour à New York à l'instant pour écouter le rappeur qui est signé sur le label de Kanye West. Il s'appelle Designer. C'était Panda là à l'instant. À 5h57, on est vendredi 2 septembre aujourd'hui. Bonne matinée, bon réveil avec le son de Skyrock et puis avec D-Fool aussi qui débarque là dans quelques secondes avec Romano et toute l'équipe. Le morning pour vous accompagner. C'est juste après un point sur l'actu, le sport et la météo, tout ça avec Rémi. On commence par le temps. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Bah, le soleil encore bien présent aujourd'hui sur la majorité du pays. Quelques nuages qui vont arriver cet après-midi par le nord-ouest avec des gouttes de pluie prévues en Bretagne. Demain, scénario identique avec des éclaircies qui dominent, mais un temps couvert en Bretagne. Et puis, ça se gâte dimanche avec des averses dans le nord-est et sur le centre. Les températures ce matin comprises de 11 à 22 degrés, 21 à 26 près de la Manche cet après-midi, 28 à Paris et de 31 à 34 dans les régions du sud. Et puis, la pollution, eh bien, c'est moyen. Les indices compris entre 4 et 5, 5 à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier et Ajaccio. Et une rentrée réussie pour les Bleus, un match amical qui remonte le moral contre l'Italie. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-1. But de Martial, Giroud et Kurzawa. Le sélectionneur s'est dit satisfait, même si on peut toujours faire mieux, d'autant plus que les choses sérieuses commencent dans 4 jours. Petit rappel, la France affronte la Biélorussie en vue des qualifications pour le Mondial 2018. Ce sera mardi soir et bien évidemment, on suivra tout ça dans la Radio Libre. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'économie. Philips annonce la suppression de 230 emplois dans sa filière éclairage. Cela concerne les sites de la Meute-Beuvron dans le Loir-et-Cher et de Méribel où les emplois seront à la fois délocalisés en Pologne et en Espagne. Un plan de départ volontaire serait dans les tuyaux. Un comité central d'entreprise est prévu aujourd'hui à Suresnes, en région parisienne. Le démantèlement de la jungle de Calais qui va se poursuivre, annonce faite par Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place aujourd'hui. Le gouvernement envisage de créer plus de places d'hébergement pour désengorger le camp de migrants. Des scènes d'émeutes, des barricades dans les rues, situation toujours très tendue au Gabon après la réélection contesté d'Ali Bongo. Un millier de personnes auraient été arrêtées. Le leader de l'opposition serait retenu au quartier général de Jamping. François Hollande appelle à l'apaisement. La Floride, qui s'attend à être balayée dans les prochaines heures, l'ouragan Hermine arrive ce matin sur les côtes américaines. Les vents vont souffler entre 150 et 180 km/h. Les autorités craignent une montée des eaux. Au moins 50 comtés ont été placés en état d'urgence. Et puis du tennis avec l'US Open de New York. Ça passe pour Nicolas Mahut et Caroline Garcia. Fin de l'aventure, en revanche, pour Jérémy Chardy ou encore Paul-Henri Mathieu. Merci Rémi pour les infos. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure, il est 6h pile. Bonjour, bienvenue, on est sur Skyrock, c'est parti, c'est le morning. Dans le morning de D-Fool, ils ont tous un secret. Tous un secret. Sauras-tu les reconnaître? Il peut sentir les odeurs à plus de 1000 km. Il perd ses cheveux chaque fois qu'il reçoit une facture. Il fait l'amour en moins de 3 secondes. On présente les précoces. Elle est amoureuse de son chien. Alors, vous les avez reconnus? 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de D-Fool sur Skyrock. Et le deuxième, c'est Romano, je l'ai reconnu. Le deuxième, ouais, c'est Romano. Et le troisième, c'est Cédric. C'est ça. Ouais, le premier, c'est toi, D-Fool. Le premier, c'est moi, D-Fool. Avec le gros pif. Oh. Il sent les odeurs à plus de 1000 km. Voilà, Carriole est la brosse du chien. Là. Oui, ça j'ai entendu. Bonjour, Carriole. Bonjour, Cédric. Ouais, bonjour tout le monde. Romano. Bonjour, bonjour. Salut, la France. Des réseaux sociaux. Salut Sam. Salut. Bonjour Rémi. New York. Salut. New York PD. PD. NIPD. Oui, NIPD. Mais Rémi, l'américain, est là avec son t-shirt des Amériques. Demain, il aura un t-shirt Brooklyn pour le week-end. Yemen. Bon, je peux pas les chapras à ça, nous. Oui, parce que demain, c'est le morning best de cette année. Ouais, ouais, ouais. Le best, le meilleur et le pire d'ailleurs du morning avec Vincent, que vous trouvez tous les samedis matins. Donc, c'est la dernière de la semaine. Profitez-en bien jusqu'à 9h du mat. Bonjour à vous, bienvenue et bonjour à tous ceux qui sont déjà sur les réseaux, qui nous envoient déjà des messages avec l'appli Skyrock, avec le 41-759. Moyen pour nous écrire tous les matins et pour gagner plein de cadeaux. Et les cadeaux, c'est les iPhone 6S et puis aussi des chèques de 1 500 € qui se baladent par-ci par-là. Et des maillots de foot, des maillots de basket, de rugby, de ce que vous voulez. On a des téléphones aussi. Oui, tout ça à choper. Mais je l'avais dit, mais c'est pas grave. Mais Romano. On a des maillots de foot aussi, je crois. Aussi, oui, oui. Et des chèques de 1 500 € toutes les demi-heures. Et ouais, toutes les demi-heures, 1 500 € à gagner. D'ailleurs, hier, c'est tombé deux fois dans l'émission. Ça tombera peut-être chez vous. On va féliciter nos gagnants. Deux gagnants hier matin. Écoutez bien. Stéphane, on est en direct à la radio ce matin. Oui. Et on t'appelle pour t'offrir 1 500 €. C'est sérieux? Sérieux, tout le temps très sérieux. Ah, sérieux, voilà, on rigole plus. Je prends ma voix sérieuse. Stéphane, quelle est ta radio préférée? Genre, c'est Skyrock. Genre, c'est Skyrock, mais je crois que genre, c'est bon. Hein. Ah, ben, bah, genre, c'est gagné. Eh ben, c'est gagné. 1 500 €, Stéphane. Bravo, Stéphane. Bravo. Je prends pas, mais ok. Nous, c'est la radio, téléphone, Aurélie. Oui. On est en direct dans toute la France. Oui, je vous entends. Oui. Et on t'appelle pour t'offrir 1 500 €, Aurélie. On a 1 500 euros pour toi. Il faut me dire quelle est ta radio préférée. Skyrock. Et tu as la bonne. T'as gagné 1 500 €, Aurélie. Bravo. Stéphane, on l'a réveillé. Il avait du mal à y croire dans son lit quand il a gagné hier matin. Eh bien, il a gagné 1 500 €. Bravo, Stéphane de Nanterre. Et Aurélie, elle a pas eu de mal à y croire parce qu'elle s'est entendue à la radio. Ouais, directement. Aurélie ouais. du 80 à Amiens. Eh bien, aujourd'hui, on continue notre tour de France. Peut-être qu'on s'arrêtera chez vous pour vous offrir 1 500 €. Ça se passera dès 6h30 et toutes les demi-heures. Tous les matins, c'est comme ça, c'est sur Skyrock, on a fait ça toute la semaine. Et oui, encore plus fort, vas-y Cariole, crache la glaire. Non mais tu sais que depuis... Attends, depuis pourtant j'ai éteint mon micro. Non mais depuis t'es levé, t'arrêtes pas. C'est-à-dire que je suis déjà tapé ça tout le trajet. Ouais. Et donc, je le disais, vous pouvez vous inscrire au 7-20-20 en envoyant 1 500 si vous voulez gagner 1 500 €. Démendez-vous toutes les demi-heures et de l'argent à gagner. T'as vu Cariole comme il est, Romano, il supporte pas que les gens soient malades. Ah ouais, ça fait 3 semaines que je suis malade en plus. Ah ouais, d'accord, je comprends Romano. L'autre c'est une relou. Non mais tu te réveilles et t'es là. Alors, j'ai l'impression qu'il va se transformer en homme. Bon, peut-être. Bilan de la première semaine de rentrée. Eh ben écoutez, pour le morning, tout s'est bien passé. Dites-nous pour vous aussi hein, comment ça s'est passé demain, c'est week-end. Donc on fait le petit bilan avec un invité mystère aussi à retrouver dans un instant. Qui sera notre invité mystère ce matin? Allez, je vous un homme ou une femme? Je vous donne un indice. C'est un homme. C'est un homme. Il est tout petit comme Romano. Et il va vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est Nicolas Sarkozy? Non. Qui est notre invité mystère? Romano pense que c'est Nicolas Sarkozy. Ouais. Bonjour. Qui est notre invité mystère? Encore? Comment ça va? Ça va, et toi? Bon, allez, à découvrir dans un instant. Tout le monde se demande, mais qui c'est l'invité mystère? Bah ouais, j'ai pas reconnu, moi. Bon, non, l'invité mystère, c'est le réveil de star, excusez-moi. Ouais, c'est le réveil de star. Déjà, tiens. Vous avez bien vu qu'on me donne les bons noms. Oui, déjà, oui, parce qu'il y a, y a plein de rendez-vous nouveaux dans le morning, si en plus on mélange tout. Donc, on va retrouver notre réveil de star. C'est un peu notre invité, quand même. Hein. Mais tu veux pas remettre un son, là? Alors, je remets un son. Moi, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, ça y est, ouais, c'est qui? Bah c'est Jamel. Et voilà, Jamel Debbouze. Et vous êtes plus fort que Romano, que Cariole, que Cédric Réuni. Bravo Cristal, bravo Sheylan. Bravo, non c'est pas Didier Deschamps hein. Bravo Nicolas, bravo Mister Kevin. Salut Mister Kevin. Et bien réveil de star, c'est une star qui réveille les Français dans un instant. Et puis pour se réveiller, toujours du bon son, vous l'entendez derrière moi, c'est Drake. Eh ben oui, Drake, c'est pour démarrer la journée. Drake avec One Dance sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Cause if you're down, I need a one dance. my hand one more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, on écoutait le son de Drake à 6h08 sur Skyrock. Une belle journée, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est vendredi, ça y est, c'est le week-end arrive, c'est cool. Ah ouais, ça c'est bon. Vous allez pouvoir en profiter. J'espère qu'il sera beau le week-end. Rémi nous en dira plus dans les infos tout à l'heure. On en saura un petit peu plus à 6h30. Tiens, un petit bilan de la semaine. On en a offert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 iPhones dans la semaine. Ouais, bah, on a déjà, offert oui. Combien de chèques de 1500 euros, Cédric? Vas-y, fais les comptes. Allez, on fait les comptes. Oula, attention, oui, alors là, Cédric a beaucoup de mal. 1500 euros à Nancy, 1500 euros à Orléans, 1500 euros à Draveil, 1500 euros à Lormont dans le 33, à Nîmes, à Lille. Alors, Cédric, à Nanterre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, hey, ils ouais, sont trop. Et puis, on recommence tout à l'heure. Ah oui, alors attention. À gagner. 1500 euros à gagner pour vous. Bon, c'est 7. Si vous répondez Skyrock, ce sera à 8h30. De toute façon, il y aura d'autres gagnants ce matin, j'espère. Peut-être vous d'ailleurs qui vous réveillez avec Sky. Dans 20 minutes, on vous offre de l'argent, 1500 euros pour vous. Et on va retrouver Jamel Debbouze, comme on vous le disait il y a un instant. Alors, Jamel Debbouze. Ouais, tous les matins, on invite une star et la star réveille les familles de France. Bonjour. Bonjour, Jamel. Comment ça va? Ça va pas mal, et toi? Ça va bien, oui. Moi, c'est une numéro bis. Non, pas pour un coup, je t'ai connu, t'es Jamel Debbouze. Ah, numéro... Je suis numéro bis, le fils de votre vieil ami, tout Eris. Non, mon vieil ami, c'est Romano, ou Cédric d'ailleurs, il est vieux, Cédric. Oh là, qu'il est vieux, c'est un papy. C'est pas numéro bis. Faites-moi confiance. Mais non, je te fais pas confiance. Je suis charagiste. Oui. Bon, alors. Je suis pas charagiste. Ah, Jamel, ses célèbres blagues. Et on va voir si ces blagues sont appréciées par les Français ce matin. Ah ben, on va aller voir chez les familles. Ouais, on va réveiller une famille tout de suite, la famille de Virginie. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Et oui, ça se passe comme ça le matin sur Skyrock. Tous les matins à 6h10, et il sera 6h10 dans 5 secondes. Eh bien, vous retrouvez le réveil de stars. Jamel Debbouze, Virginie, la famille de Virginie, c'est parti. Allez, hop. Comment ils vont être accueillis? Faut bien l'accueillir, Jamel, attention. Oui. Hein. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va. Je veux pas te m'aborder de construire un palais pour César. En fait, je m'en fous, quoi. On a 3 mois, pas un jour de plus. Ouais, sinon t'es bouffé par les crocodiles, c'est ça? Mais oui, exactement. C'est ça. Et oui. Il nous faut des pouvoirs magiques. Ah bah ça, c'est facile à trouver. Quand j'étais petit, papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon Panoramix. Panoramix. Un druide gaulois qui possède le secret d'une potion magique qui donne une force surhumaine. Panoramix. Elle donne une force, mais d'une force. De malade, ouais. C'est pas où le village des Gaulois? C'est à droite, après le carrefour. Vous êtes Astérix, moi? Non, je suis Virginie. C'est de la potion magique? C'est Virginix. Non, mais j'en ai pas. Il s'agit pas de tout me vendre. Bah, c'est. Allez, alors, on lui vend de la potion magique? Juste une marmite. Une marmite, allez. Ça fait plaisir. Ah ouais, du coup, pas de crocodile? Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup, là, je suis libéré, là. Libéré, délivré. Non, ça, c'est bon. Ça. Non, c'est vrai. Je ne mentirai plus jamais. Non, mais excuse-moi, mais là, franchement, c'est parti tout seul. Hein. Ouais, aussi, ouais. J'y vais. La bise, à bientôt. La bise. Attends, à moi. Ciao. Ah, Astérix. C'était Virginix qu'on avait au téléphone. Ouais, c'était Virginix qui se prenait pour la Reine des Neiges. Oui, c'est ça. Libéré, délivré. On a fait un premier. C'est la première fois qu'on fait un remix entre Cléopâtre. Ouais, c'est ça. Oui, Asmérix. Et la Reine des Neiges. C'est ça. Eh ben, je préfère Asmérix personnellement, moi. Ouais, la Reine des Neiges, c'est bon, on a eu notre dose. Ouais, ça, c'est bon, la Reine libéré, des Neiges. Libéré, délivré. Il est 6h12 sur Skyrock. Est-ce que DJ Roro est là ce matin? Dans le morning. 1, 2, 3, 4. Non, je crois que je testais le micro, il est bête. Ah, tu testes le micro. Ah, le microphone, check, ok. Le micro fonctionne. Attention, mais en jeu. Un iPhone 6S dans un instant. 1, 2, microphone, check. Ouais, DJ Roro, un des DJ les plus célèbres du monde qui va nous raconter ses vacances à Ibiza. Ah non, mais j'y ai pas encore été. Ah, tu vas pas à Ibiza pendant l'été? Non, j'y vais là maintenant, à partir de maintenant. Là. D'accord. Mais là, il y a plus personne, Ibiza. D'ici 15 jours, 3 semaines, je décolle, je fais la saison hivernale. Oui, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, Il n'y a plus personne dans les îles, tiens. Ouais, mais c'est pour ça, je suis plus tranquille. Bon, DJ Roro est de retour avec un titre à reconnaître. On va tester nos connaissances musicales et on va tester dans un instant les tubes de l'été. Et j'ai également un cadeau pour vous. Et il a en plus un cadeau pour nous. Bah oui, je vais vous offrir l'iPhone 6S. Mais non, c'est Skyrock qui offre l'iPhone 6S. Il est gonflé, ce DJ Roro. Ah ouais. Il est grave, lui, tiens. J'arrive avec tout plein de cadeaux. Oui, bah je sais, l'iPhone 6S a gagné. J'ai des lunettes de soleil lumineuses. Ah. Oh là. La beau gossitude totale. Allez, DJ Roro arrive sur Skyrock. On a un petit Michael Jackson avant ça. Ouais, Michael Jackson. Ah, c'est bon, Michael Jackson. Billie Jean. Allez, Moonwalk, tout le monde, à 6h13. Skyrock, ça fait toujours du bien, petit Michael, pour se réveiller. Michael Jackson sur la première radio urbaine mondiale à 6h17. Allez, attention, faites de la place là. Allez, on fait de la place, c'est DJ Roro qu'on retrouve tout de suite. Ensemble. Salut les copains, salut les copines. Oula. Salut DJ Roro. Il a formé David Guetta. Ok, ouais. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Hein. Voici DJ Roro sur Skyrock. Eh ouais, le vendredi, DJ Roro est là pour tester nos connaissances musicales. Bonjour DJ Roro. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, bonjour, comment vas-tu alors? Comment se sont passées les vacances? Ah bah ça va, tranquille, j'ai rien branlé. C'est fou parce que moi je croyais que les DJ ils travaillaient beaucoup pendant les vacances. Ah, oui. Bah, c'est les nazes, ils travaillent l'été. Bah, attends, les nazes, j'en ai discuté avec Cut Killer qui est là tous les samedis soirs, 22h minuit sur Sky. J'en ai discuté avec DJ Snake quand il est venu nous voir dans la radio libre. Il travaille beaucoup les week-ends. Ah, bah là, je commence à être booké à Ibiza, moi, au niveau de novembre. Au niveau de novembre? Ah ouais. Quand il y a plus personne. De novembre à mars. Tu as vu, Cédric, il est dans de l'admiration devant toi. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah, grave. Ah ouais. Oh, I love the DJ. Bon, on va tester vos connaissances musicales avec DJ Roro ce matin. Alors, attention. Alors, DJ Roro, tu vas nous chanter un morceau d'une artiste qui est à fond dans l'actu. De toute façon, elle est à fond dans l'actu un peu tout le temps. Hein. Ouais, tout le temps. Qu'est-ce que tu dis à la trappe avec tes mains? Tu danses comme Claude François? Non, mais il y a moustique. Il y a un moustique dans le studio depuis tout à l'heure. Il m'a fait barracuda. J'essaie d'attraper le moustique avec mes mains, vous savez, comme un chat. Un beau chat. Oui, ah, merci. Un sacré chat. Alors, écoutez bien DJ Roro qui vous interprète un morceau, vous le reconnaissez, vous nous envoyez vite un message, il nous faut une fille et un garçon, et les deux vont s'opposer pour gagner l'iPhone 6S. Non, c'est toujours Acapella. Et c'est toujours sur le 41-759 ou ouais, sur l'appli Skyrock. Attention, Acapella, voici DJ Roro qui chante pour vous. Attention, artiste féminine, là, je précise. Oui, tu fais bien de préciser, faut toujours donner des indices parce que comme il chante très bien, c'est pas forcément facile à trouver. C'est pas forcément facile à chanter ça. Hein. Alors attention, 3, 4, attention. Moi je pense à ceux qui sont en train de se réveiller. Le radio réveil se met en marche juste au moment où DJ Roro chante. T'as l'impression que tu fais un cauchemar. Ah, le waza waza waza peut peut-être vous aider. Waza waza waza. Tout le monde dit Rihanna. Rihanna pour Ricardo, Rihanna pour Michael, Rihanna pour Kifa, Rihanna pour ah non, Cédric nous dit lui Céline Dion. Non, pas du tout. C'est pas Céline Dion. Bon, vous avez trouvé qui c'est? Et ben vous nous envoyez vite un message au 41-759. Pas besoin du titre, hein, vous avez juste le nom de l'artiste. Dès on prend un découvert. Garçon et une fille. Hein. Oui, comme je vous l'ai dit, garçon, fille, bataille en direct dans un instant avec les sons de l'été à découvrir et DJ Roro qui mixe pour nous dans le morning. Sur Skyrock à 6h19. Allez, bonne chance et DJ Roro. Fait sa rentrée sur Skyrock. Gagne tes places toute la journée pour voir Maître Gims en concert Skyrock dans toute la France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. C'est trop bien. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 7-20-20 et Skyrock t'envoie sur la tournée de Maître Gims avec 200 places à gagner. Super, merci beaucoup. Skyrock. Premier sur Maître Gims. 65 centimes plus coup d'un SMS. Mécanique Résurrection. Jason Statham reprend du service. Tu as 36 heures pour éliminer toutes les cibles de cette liste. Sinon, c'est moi qu'ils vont éliminer. Trois continents, trois cibles à abattre et 36 heures pour sauver celle qu'il aime. Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Jones. Mécanique Résurrection. La mort n'attend pas. Comme moi, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Ça, c'est un bon plan. La tablette MP Man 8 Go avec un super écran et deux caméras à moins de 50 euros chez Leclerc. Du 30 août au 3 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est la tablette MP Man de 8 Go à 49,90€, dont 30 centimes d'éco-participation. Inutile de résister, une tablette comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. To different places, I will still be patient with you. You know Allô ? Oui, DJ Roro. Je prends l'antenne ? Oui, bah oui, on est reparti là, c'est parti. Allez, bah c'est parti. Il mixe avec ses pieds. Enfin, surtout comme un pied. Voici DJ Roro sur Skyrock. Eh oui, notre DJ du vendredi matin, pour tester nos connaissances musicales, c'est l'heure de retrouver DJ Roro. Et à DJ Roro, je te présente ceux qui ont découvert ce que t'as réussi à chanter il y a un instant. De manière magnifique, puisqu'on nous a même dit c'est Céline Dion. Mais pas du tout. On nous a dit c'est Shakira avec Waka Waka. Waka Waka, oui, oui. Non, il a pas chanté ça. Écoutez ce qu'il a chanté hier. Un instant. Non mais fais Waza Waza, c'est le meilleur moyen. Waza Waza Waza. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Laurie a réussi à trouver. Bravo Laurie, t'es bien réveillée pour trouver. Salut. Salut. Ouais. Salut. Salut Laurie. Laurie de Vienne, Sébastien de Roy Malmaison dans le 92. Salut ouais, Sébastien. Salut l'équipe. Salut Seb. Salut Seb. Bon, Seb, 32 ans. Laurie, 22 ans. Je fais les présentations. Faites-vous un bisou avant de vous battre. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Un bisou. Alors, le morceau que vous avez reconnu, qui n'était pas facile à reconnaître. Waza, waza, waza. C'était. Beyoncé. Oui. Ça c'est l'original, c'est mieux. Hein. Ah pas du tout, c'est pareil. Ah la même. Beyoncé avec Hold Up. Vous êtes donc qualifié. Il s'agit maintenant de transformer l'essai comme rugby. Oui, attention. Et de gagner. C'est quoi ton morceau préféré de l'été, Laurie? Et de gagner l'iPhone 6S. Moi, j'aime bien en ce moment Justin Bieber là, la dernière. Ouais, moi aussi. Et toi, Sébastien, c'est quoi ton morceau préféré de l'été? Moi, j'aime bien Justin Timberlake, la dernière. Can't stop feeling. Can't stop the feeling. Ouais. Ouais. Eh bien, écoutez, parmi les tubes de l'été choisis par DJ Roro, il y aura peut-être les morceaux que vous avez choisis. On va voir, on va voir. Et alors, attention, vous êtes à un point partout. Déjà, la question de sélection apporte un point. Oh, bah ça, c'est magnifique. Déjà, un point, le premier qui arrive à 3, il gagne. Eh ben voilà, et il gagne quoi? L'iPhone 6S. Ouais. Attention, attention, voici le grand match ce matin, Sébastien contre Laurie. Et on commence par le premier mix de DJ Roro. Attention, un peu de fumée pour mettre l'ambiance. Ah ouais. Merci DJ Roro. Attention, envoyez la musique. Merci. Je ne t'ai pas donné ton mot. Maître Gims. Ouais, Maître Gims, bonne réponse de Sébastien, juste un petit peu devant Laurie. Ouais, attention, ça fait 2 à 1 pour Sébastien, attention Laurie. C'était ma beauté. Ma beauté ne me laisse pas. Maintenant tu m'abandonnes. Dédicace à toutes les filles ce matin. Oui. Attention, on passe au deuxième. Deuxième extrait. Attention Laurie, hein, il risque de gagner. Hein. Attention Laurie, c'est maintenant ou jamais. Seb, peut-être ton troisième point. Attention, c'est parti. Non. Oui, Laurie, bien joué. En plus, c'est ton morceau de l'été. Justin Bieber et DJ Snake. Ah, j'aime les matchs comme ça, deux partout. Let me love you. Deux partout, Laurie contre Sébastien. Oh là là, que c'est dur ce matin. Ah oui, c'est dur comme mon zizi. Non, mais ça va pas, DJ. Les DJ sont des obsédés sexuels, j'ai souvent vu. Alors attention, trêve de plaisanterie. Oui. C'est la balle de match. Un deux partout. Tube de l'été, attention. Qu'est-ce que tu as choisi pour nous, DJ Roro? Ah, un des meilleurs sons de l'été. Attention. Lambada. Mais oui, Sébastien. Bravo, Seb. La lambada, mais ça va pas, Digiro. C'est pas des tubes de cet été. Et c'est l'été 1980. La lambada. Ouais, allez, un peu. Bouge ton corps, Cédric. Donc, allez. Qui gagne? C'est Seb. C'est Seb. Seb, t'as gagné. Seb, c'est bien. Oui, c'est bien, ouais. T'as gagné ton iPhone. L'iPhone 6S pour toi, Sébastien. Bravo, félicitations. Eh bien, un iPhone qui va partir dans le 92 à Rueil. Et puis pour Laurie. Alors, Laurie, on a des cadeaux pour toi. On va t'offrir le t-shirt Skyrock qu'on va t'envoyer à la maison parce qu'il est tout joli. Oui. Oui. Et on va t'offrir le maillot de foot, de rugby, de basket, de n'importe quel sport que tu veux. Au choix. Te fera plaisir au choix. Donc, en fait, on te refringue comme ça. Toute belle, toute mignonne. C'est déjà ça. Oui, et puis, hey, en plus, toi, t'as le droit de revenir jouer alors que Sébastien, il peut plus jouer avec Ah, tu peux plus jouer, tu peux plus venir. T'es plus accepté dans le club. Voilà. Il y a les videurs qui vont t'interdire l'entrée du club de DJ Roro. C'est fini, Sébastien. Bon, en tout cas, bravo. La porte. Bravo Laurie, gros bisous à Vienne. On t'embrasse. Eh ben, gros bisous. Bravo Seb. DJ Roro, de retour avec nous dans le morning. Ça fait plaisir. Je me suis demandé s'il serait là pour cette nouvelle saison. Mais évidemment, j'ai que ça à faire. C'est bien, DJ Roro. Eh ben, je vous embrasse, je vous kiss. Bisous. Bisous. Et à la semaine prochaine. Salut, DJ Roro. Bisous, bisous. Et, ciao. Et dans un instant, 1 500 € à gagner pour vous. Les infos de Rémi aussi. Et un des sons de l'été, tiens, parce qu'on était sur les tubes de l'été. Mike Posner, tu l'avais oublié, celui-ci. Tiens. Ah, j'adore, j'adore. Oui, il prend une pile et habille une pile et à Ibiza, c'est normal. Ah bah voilà, nickel. Bah ouais, comme DJ Roro, Mike Posner, c'est sur Sky, juste avant les infos de 6h30. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Already blew his shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Je suis là, je finissais mon café, Romano. Ah oui, c'est vrai. Faut prendre des forces avant les 1500 euros. Difool, c'est euros. Pas toujours avec la machine à café. Non, mais j'ai toujours un problème avec la machine à café. Oui. Voilà. C'était avec tes mains, non? Mais non, c'est seul. Le truc est mal fait. Main pourrie est en action. Non, mais quand elle est pleine, elle fait plus de café, donc. Bah oui, mais faut la vider de temps en temps. Bah ouais. Tu sais, faut enlever les capsules. Après, c'est compliqué, faut enlever le truc. Ah ouais, bah c'est un truc de dingue. Ça tombe par terre. Non, mais c'est vrai. Ah bah c'est. Bon petit café à vous aussi, bon petit réveil. Un gros réveil, même ce matin, avec 1500 euros à gagner. Hier, ça tombait d'ailleurs à 6h30. Hier, ça tombait bientôt. Toutes les demi-heures, toute la matinée, 1500 euros pour vous. Un beau chèque avant de partir en week-end. Un beau chèque pour fêter la rentrée. D'ailleurs, on salue ceux qui rentrent ce matin. Eh bah ouais, parce que la rentrée continue. Eh oui, il y a Clémentine qui nous a envoyé un message. On fait une grosse bise à Clémentine. Salut Clém, toute l'équipe t'embrasse. Bisous, bisous Clém. Il y a Céline qui rentre aussi. Le cauchemar, je rentre à 8h. Je vais retrouver tous ces cons. Alors, je sais pas de qui elle parle, mais a priori, très contente de retourner au bahut. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, Anne-Charlotte nous fait un bisou. Il y a Tibbs et également qui salue son petit frère qui rentre au bahut ce matin. Eh ben, bon courage au petit frère. Ouais. Et attention à 6h32, les infos de Rémi. Juste après, donc, comme promis, vos 1500 euros. On va parler beauté, tiens, avant 8h du matin. Puis on va retrouver vos conseils pas chers. Oui, aussi. Le nouveau rendez-vous des conseils pas chers, si vous vous réveillez. Notez bien, c'est à 40, 6h40. Rendez-vous avec les conseils pas chers. Même entre 6h et 7h, vous les avez réclamés, vous les aurez. Ouais, conseils pas chers beauté aussi. Oui, et dans un instant, MHD et Zao. Laissez-les parler. Laissez les Koumas. Ouais. Et tout de suite, laissez Rémi s'exprimer parce qu'on va attention, on a une météo aujourd'hui encore. Ah, il fait beau. Hein. Il va faire beau. Puis météo de ce week-end aussi, on fait un point. Ouais, soleil bien présent aujourd'hui sur la majorité du pays. Quelques nuages qui vont arriver cet après-midi par le nord-ouest avec quelques gouttes de pluie prévues en Bretagne. Demain, scénario identique, hein, des belles éclaircies qui dominent, mais un temps un peu couvert en Bretagne. Et puis ça va se gâter dimanche avec des averses dans le nord et sur le centre. Les températures ce matin comprises de 11 à 22 degrés. On a 13 du côté de Manosque, 14 à Chambéry, 15 à La Rochelle, 17 à Paris et 22 du côté de Marseille, 21 à 26 près de la Manche cet après-midi, 29 à Paris et de 31 à 35 dans les régions du sud. Et puis la pollution, c'est moyen. Les indices compris entre 4 et 5, 5 à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier et Ajaccio. Et toute l'actu, tout de suite. Ah non, la météo du week-end, dis donc. Bah, je l'ai faite. Demain, samedi, scénario identique, des éclaircies. Ah, scénario identique, excuse-moi, j'avais pas compris. Donc du soleil demain. Du soleil demain, avec dimanche un petit peu. Ouais, non, dimanche, ça se gâte, on a pas mal de pluie. Voilà, utilise des mots simples le matin pour que je comprenne. C'est l'heure des infos. C'est simple. L'actu et le sport, c'est parti. Bari réussi pour l'équipe de France de foot. Les Bleus n'ont pas tremblé hier soir contre la Squadra Azzurra sur le sol italien. Victoire 3-1, but de Martial, Giroud et Kurzawa. Le sélectionneur se dit satisfait. Bon, tout est perfectible, c'est vrai, mais c'est bien. D'autant plus que les choses sérieuses commencent dans 4 jours. La France affronte la Biélorussie en vue des qualifications pour le Mondial 2018. La rentrée qui se poursuit aujourd'hui dans les établissements. Certains chanceux ont eu une matinée supplémentaire, histoire de faire la grâce. D'autres sont encore plus tranquilles. Ce sont les étudiants. Ils ne retrouvent les bancs de la fac que dans quelques semaines pour la plupart. Comme dans les écoles, les collèges et les lycées, la sécurité est renforcée. Une série de mesures a été dévoilée hier par le gouvernement. 30 millions d'euros vont être débloqués. Il y aura beaucoup plus d'agents de sécurité pour contrôler les sacs et les cartes d'accès aux universités. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'économie. Philips annonce la suppression de 230 emplois dans sa filière éclairage. Cela concerne les sites de La Meute-Beuvron, dans le Loir-et-Cher et de Méribel, où les emplois seront délocalisés en Pologne et en Espagne. Un plan de départ volontaire serait dans les tuyaux. Un comité central d'entreprise est prévu aujourd'hui à Suresnes, en région parisienne. Opération séduction pour Emmanuel Macron. L'ex-ministre de l'économie s'est rendu à la foire de Châlons en Champagne. L'accueil était chaleureux et le leader du mouvement En Marche s'est même offert un bain de foule. Il a dit vouloir écouter la vraie vie des gens. Super. Voici tout de suite le sport sur Skyrock. Alors du sport avec la Formule 1, mais tout de suite une grosse ambiance à Nice. C'est pour Mario. Ben oui, à peine arrivé. Super Mario. À peine arrivé, Mario Balotelli a suivi son premier entraînement avec ses nouveaux collègues. Les fans sont venus en masse pour le voir à l'œuvre. L'Italien a fait une bonne séance, il s'est montré détendu et de bonne humeur. Les personnes présentes sur place l'ont trouvé très affûté et certains fans voient déjà en lui le futur meilleur buteur de la Ligue 1. Bon, il en faut pas beaucoup, hein, c'est parce qu'il a marqué un petit peu de but hier à l'entraînement, donc ils étaient contents. Oui, bah, l'entraînement c'est plus facile. C'est plus facile. L'année dernière, il en a marqué un pendant toute la saison. Ouais, ouais, grave. On aura très bientôt une première tendance. Et puis fin de carrière pour Felipe Massa, le pilote brésilien de Formule 1 va tirer sa révérence à la fin de la saison. Le vice-champion du monde 2008 est au plus haut niveau du sport automobile depuis 14 ans. Les pilotes sont ce week-end dans le temple de la vitesse à Monza en Italie. Eh oui, Monza pour le Grand Prix d'Italie. Ouais. Merci Rémi pour les infos. On entre dans une demi-heure pour la suite. Il est 6h35 sur Sky. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio. Soit. C'est le morning de Default sur Skyrock. Ah bah oui, en pleine forme ce matin. Et ouais. Content d'être avec vous. Merci de vous réveiller avec Skyrock. Dites-le autour de vous. Il y a 1500 euros à gagner tous les matins, toutes les demi-heures sur Skyrock. On a fait ça toute la semaine. Oh, est-ce qu'on va faire ça la semaine prochaine comme ça aussi? On se tâte. Oh, je pense que oui. Inscrivez-vous pour les 1500 euros si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Si vous êtes vraiment flemmard et flemmarde, vous pouvez tellement, tout simplement attendre qu'on vous appelle le matin. On tire aussi dans l'annuaire. Oui, c'est portable. Bon, j'ai l'enveloppe, Romano. Tu as les conseils pas chers. Par contre, on va parler beauté dans les conseils pas chers. Ouais, c'est ça, on va parler beauté. Beauté, garçon. Tiens, on va garçon, ça peut être aussi certaines filles, bon, malheureusement. Ah oui, malheureusement. La barbe. Oui, la barbe. Il y a des femmes à barbe. Ben oui. Il y en a, ouais. Demain, c'est la journée mondiale de la barbe. Et ça a donné une idée à Romano. Dites-nous, les filles, d'ailleurs, est-ce que vous préférez un homme barbu ou un homme rasé à blanc? Hein, moi, barbu, moi. Moi, j'aime bien avoir une petite barbeuse. Pas trop longue, mais une petite, comme ça, là. C'est ah, t'es magnifique. Ah, ouais. T'es beau, hein. Ouais. Voilà. C'est vrai que tu devrais te laisser pousser la barbe, ça cacherait les mentons. Oui, c'est vrai. Bah non, moi j'aime bien les ça. Les boutons barbe. Aussi, les boutons. Ouais, aussi. Ouais. La barbe, ça peut être pratique pour ça, dis donc. Puis ça cache le visage. Ça change le visage hein, quand même si t'as une grosse barbe. Ah bah c'est clair, tu ressembles au Père Noël. Ouais, Jésus, ça dépend. Ouais, Jésus, c'est comme tu veux. Ça dépend hein. La coupe que t'as. Bon, les filles, tiens, dites-nous si vous aimez les mecs à barbe comme ça. Comment on se prépare le matin? Je sais qu'il y en a plein qui sont dans la salle de bain. Vont-ils se raser ou pas? Ça dépend peut-être de vous. Puis dites-nous si, par exemple, vous avez, je sais pas, une tata à barbe ou une mamie à barbe. Vous avez une dame à barbe dans votre entourage, faites-nous signe une prof à barbe. Ouais, il y en a, bah, putain, moi j'en avais une. Ouais. T'en avais une qui est de la barbe. Ah, quoi, de la barbe. Bon, elle avait pas non plus, elle avait pas le bouc. Hein. C'était pas genre Jésus ou le Père Noël, mais tu vois, elle avait des poils sur le visage, quoi. Tu te fais de sa gueule, non? Ah, bah ouais, ouais. Et puis en plus, on avait son mari et tout le monde se demandait, mais comment il arrive à se la taper, quoi. Bah, il aime les hommes. Ah, bah ça, ouais. Enfin, les hommes. Il aime bah, les... Non, non, mais c'était une femme. Hein. Il aime les barbus. Ah, ouais, ouais. Bon, vous êtes prêts, les conseils pas chers, c'est dans 5 minutes, mais tout de suite, c'est 1500 euros à gagner. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Oui, 1500 euros à gagner. Et j'ai l'enveloppe, je l'ai ouverte et je sais où on va aller. Peut-être chez vous ce matin. Vous êtes dans le 62. Eh bien, c'est pour vous, les 1500 euros. On file à Lens. Vous écoutez Skyrock à Lens. Et vous êtes la famille. Ouh là là, combien il y a de lettres dans le nom de famille? Umzaouch. C'est parti. Eh ben, on y va. Les Oumézaouch, c'est Rabat qu'on appelle. Plus facile, Rabat. Hein. Et ouais. Ça sonne. Et ça sonne chez Rabat à Lens. Pour gagner 1500 euros, il faut répondre Skyrock dès qu'on vous appelle. Ouais. Et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, Skyrock, et c'est dans la poche. Oui, allô. Allô, allô, bonjour, je suis chez Rabat. Oui. Oui, bonjour, c'est la radio au téléphone. quelle radio? Ah bah ça, je peux pas vous dire parce qu'on vous a tiré au sort, on vous appelle pour vous offrir 1500 euros ce matin. Oui, c'est le gros cadeau du matin. Un des gros cadeaux du matin, mais il est pour toi. Si tu me dis quelle est ta radio préférée et si t'as la bonne. Skyrock. Skyrock, c'est la bonne, je confirme. Validé. Je valide et c'est gagné, tu viens de gagner 1500 euros ce matin. Oui. Bravo. Bip, bip. Ah bah c'est super. Bah oui, c'est super. Comment tu t'appelles toi? Patricia. Patricia, alors le nom de famille, parce que j'ai eu du mal sur le nom de famille, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lettres. 13 lettres. Oumézaouche. 13 lettres. Eh bien, les Oumézaouche, ce matin, vous avez gagné 1500 euros. Bravo, Patricia, dis donc. Merci. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Ah ouais, bien joué. 100 euros que tu viens de gagner en direct ce matin sur Skyrock. Tu viens de te réveiller? Ah non, non, non, je suis réveillée depuis 5 heures. Je suis en train de faire le ménage. Non, mais ça va pas, non. Tu fais le ménage à 6h39 du matin, toi? Comment? Le ménage à 6h39 du matin. Oui, j'ai 6 enfants, donc je préfère faire le ménage avant que les enfants se lèvent. Ah oui, bien. Mais ah ouais. Tu passes pas l'aspirateur quand même à 6h30 du matin? Non, non, non, non. T'imagines, pour réunir toute la famille et les voisins en plus. Oui, c'est bien, ouais. Si t'as envie de garder un bon contact avec les voisins, vaut mieux pas le passer. Ah ouais, t'en as fait 6 quand même. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Ça fait un paquet d'auditeurs du côté de chez toi. C'est bien, continuez, côté Skyrock, hein, du côté de chez les Oumézaouch, là. Bravo, tu viens de gagner 1500 euros, Patricia, t'es contente? Ah oui, oui, super. Ouais. Eh ben nous aussi, on est contents pour toi. Bravo, 1500 euros à gagner. Encore dans une demi-heure, oui, t'as assuré. Hein. J'imagine que t'as pas de boulot, t'as assez de boulot à la maison, toi, non? J'ai assez de travail à la maison, ah, je pense. Ah ouais, je pense aussi, ouais. Bah écoute, bon courage, tu vas pouvoir acheter plein de produits ménagers, ça va être la folie, hein, tu vas t'éclater comme une folle. Super, Patricia, 1500 Merci. Euros pour toi. Et on remet ça dans une demi-heure, ce sera pour vous, hein, 1500 euros. Et un bisou à toute la famille, alors. Ah bah oui, bisous, bisous. Et bah ouais, ils sont où, la famille? Plein de bisous. Ils dorment encore, là, je vais aller les réveiller pour l'école. Ah bah va réveiller tout le monde. Ils ont quel âge? Ça va de 24 ans à 7 ans. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Toi, t'as bossé, mais pendant longtemps en plus. Hein. Ah oui. Eh ben écoute, bon courage. Bisous. Merci. Patricia. Et 1500 euros, je vous le disais, c'est juste après les infos de 7h tout à l'heure. Vous répondez Skyrock, vous fassiez le ménage ou autre chose. Et c'est 1500 euros dans la poche. 6h40. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh là là là là, le rêve, le rêve, le rêve. Dès le réveil, dès le réveil. Et ouais, et Zao et MHD maintenant. Laissez les Kuma, c'est sur Skyrock. Et c'est une découverte Skyrock dans le morning. Pa pa pa pa pa pa pa. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Dans mon coin ici, l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Et demain on aura zappé. Et ça. Laissez-les Kuma. Laissez-les parler. Laissez-les Kuma. Laissez-les Kuma. Laissez-les Kuma. Laissez-les Kuma. Laissez-les Kuma. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus fort que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je mange. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Et demain on aura zappé. Et ça. Laissez-les Kuma. Laissez-les parler. Laissez-les Kuma. Laissez-les Kuma. Laissez-les parler. Laissez-les Kuma. Laissez-les Kuma. Laissez-les parler. Laissez-les Kuma. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Et ça. Allez, c'est les Koumas sur Skyrock, c'était Zao, Zao et MHD que j'ai reconnu sur ce morceau là à 7h moins 17. Autrement dit, 6h43. C'est l'heure de retrouver les conseils pas chers de ce matin. Demain, journée mondiale de la barbe. Ça y est, c'est le retour des journées à la con, j'adore ça. La journée mondiale de la barbe. Alors, on salue toutes les barbes qui nous écoutent. Vous avez votre journée demain, super, dis donc. Mais je crois même que la journée mondiale de la barbe, oui, elle a lieu tous les premiers samedis du mois de septembre. Ils t'en font une par an quand même, c'est comme Noël. Non, mais non, trois, quatre par an. Parce que c'est tous les premiers samedis de septembre. Ben non, ça fait une par an. Il y a un samedi. Premier samedi de septembre, oui, Mano. Il n'y en a qu'un premier samedi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais tu te sais de Ricky's dans cette saison, ça me fait plaisir. Ouais, attends, ouais. On est vendredi matin, il est 6h44. Hein. Bah, moi, ça va, dis donc. Ah, moi, ça va moyen. Bah, je vois. Bon, c'est mal foutu, la feuille qu'on m'a préparée. L'heure des conseils pas chers. C'est toujours la faute des autres. Romano est prêt à n'importe quoi pour gagner de l'argent. Il a même vendu des pilules à Usain Bolt. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Eh oui, il est prêt à tout. La journée mondiale de la barbe. La barbe, c'est très désagréable, les poils de barbe. Il y en a pas mal qui ont dit ça, des filles. Moi, j'aime bien, moi. Ouais, toi, t'aimes bien. Bah, c'est partagé, hein. Il y a des filles qui nous disent que ça fait plus viril. C'est bien, il a l'air plus homme. Oui, après, bon, si t'as besoin d'une barbe pour avoir l'air homme, moi, pas besoin de barbe, hein, tu peux me raser. J'ai l'air d'un mâle viril. Un bonhomme, sans, quoi. Sans aucun problème. Ah ouais, c'est clair. Attends, non, c'est vrai qu'il se rase complètement, on dirait une boule. Oui, c'est vrai. Ah. Une boule de billard. Avec les trous, t'as l'impression que c'est les doigts, tu sais, les trous pour mettre les yeux, les doigts pour lancer la boule. Bon, la barbe, c'est un carton. 82% des femmes pensent que les hommes barbus paraissent plus masculins. Bah, elles auraient répondu l'inverse. Ils sont cons, les mecs qui font les sondages. C'est vrai, ouais. Est-ce que t'es plus viril avec une barbe? Bah oui. Bah ouais. Et 53% des hommes se sentent plus désirables quand ils sont un peu barbus. Oui, ça cache une partie du visage pour certains, ce qui peut être pas mal du tout. On va chez qui ce matin? Allez, on va chez Alain. Comment vas-tu faire chez Alain pour lui piquer de l'argent? Bah non, c'est quand même le but des conseils pas chers. Bah déjà, je vais lui raser la barbe. Pourquoi? Bah parce que j'ai envie d'être barbier ce matin. Tu as envie d'être barbier? Mais je peux le faire également pour les femmes, hein. Ah bah oui. Parce que aucune discrimination sur Skyrock. C'est bien ça. Ça serait bien qu'on tombe sur une meuf d'ailleurs. Ouais, j'ai ma tondeuse. Très bien. J'ai tout ce qu'il faut. Je vois. Bonjour. Nous sommes dans l'impossibilité de vous répondre pour le moment. Mon mari est en train de se raser. Oui, allô? Ah, vous êtes là. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est le barbier à l'appareil. Je vous appelais pour votre petite barbe. Votre mari m'a contacté et m'a dit que vous aviez un petit duvet sur le visage. Non, mais vous vous foutez pas de la gueule du monde. Ah bah écoutez, c'est pas grave, ne soyez pas complexés, ça arrive. Moi-même, j'ai une tata qui pique. Oui. C'est vrai. Et il y a beaucoup de tata qui piquent. Donc, je vais venir à la maison et vous passer un petit coup de tondeuse sur le visage. Pour vous raser. Éventuellement. Ouais. Allô, vous ne parlez plus? Vous êtes. Ne soyez pas complexé, c'est pas grave. C'est pas grave. Du tout, monsieur. Du tout. Et écoutez, je pourrais peut-être même vous raser la barbe un petit peu en bas si vous voulez. Oh. Vous avez du duvet vert de nombril. Vous n'avez que ça à faire, vous savez qu'il y a des gens qui travaillent quand même. Ah bah moi aussi, j'arrête pas de travailler, madame, je suis barbier. Écoutez ma tondeuse. J'ai l'autre modèle. J'ai même le sèche-cheveux. Là, c'est un sèche-main, carrément. Là. Oui, oui. C'est le truc d'autoroute. Putain, mais t'es vraiment équipé, c'est bien. Ah bah, attends, je suis complètement professionnel. Hein. Mais malheureusement, je suis content que tu sois tombé sur une femme, c'était mon rêve. T'en as un autre? Ouais, allez. Allez, vas-y. On va chez Jacques. Mais elle l'a mal pris. Oui, c'est non, mais elle a pas assumé. Mais oui, mais il faut assumer. Vous avez un barbier à disposition ce matin. C'est qui? C'est la femme de Jacques. C'est la. Allô? Ou Jacques? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la femme de Jacques? Oui, tout à fait. Oui, bonjour, vous allez bien? Tout à fait, je vais bien. Bon, très bien. Dites voir, est-ce que Jacques est dans le coin? C'est le barbier à l'appareil. C'est qui? Le barbier. Le barbier. Le barbier, vous savez, la barbe sur le visage, eh bien, je l'enlève, je la rase, je la coupe. Vous en avez, vous? Non. Non. Et Jacques, il a une petite barbe? Non, il a pas de barbe, Jacques. On va lui raser les cheveux, c'est ouais, pas grave. C'est pas mal. Et les jambes aussi. Bon, alors là, je voudrais bien savoir à qui vous appelez. Qui exactement? Ah bah, j'appelais Jacques, parce qu'il avait pris rendez-vous par Internet. Pris rendez-vous par Internet? Je pourrais pas lui parler, je l'entends derrière, là, faire... Non, mais qu'est-ce que c'est que ces âneries, là, vous racontez, là? Je ne comprends rien du tout de vos histoires. Bon, Jacques, je vais venir te raser la tête et les jambes. Oui, puis tu n'as pas de poils à la barbe, hein. Faut bien qu'il bosse, hein, le barbier. Je vais tout raser, Jacques. Tu auras des jambes de cycliste. Ah, magnifique. Trop beau. Doux. Oh, si tu veux être doux, Jacques. C'est doux. Joue. Bon, Jacques, je viens dans 5 minutes. Bon, ben, écoutez, si vous n'en avez pas fini avec vos âneries, hein. Ben, moi, je viens dans 5 minutes, hein, te raser complètement. Oui, on va voir ça. On va voir ça, c'est tout enfin. Vu. Enfin. Bon, j'arrive dans 5 minutes et puis tu prépares 100 euros. Le rendez-vous est pris. 100 euros et puis je te rase. Oui, les 100 euros, ça va être dur à passer, Romano, mais le rendez-vous est pris. Ouais, il était pas contre. Hein. Jacques, et la journée mondiale de la barbe demain. Bon courage à vous qui êtes dans la salle demain, là. Profitez bien. Vous avez la journée de la barbe qui vous attend pour demain. Ah fêtez ça. Allez, rasez-vous pas ce matin, gardez-la jusqu'à demain. Fêtez ça dignement. Pour fêter ça, là. Dans un instant, le sondage du jour. Alors, tous les matins, un sondage. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous déchaîner, les garçons, les filles, tout le monde. Qu'est-ce que les hommes pensent des filles au volant et qu'est-ce que les filles pensent des hommes au volant? Les hommes et les femmes au volant, les femmes et les hommes au volant. Vous pouvez nous laisser vos messages et dans un instant je vous dévoilerai le sondage Opinion Way du jour. Ouais. Vos réactions au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Dans un quart d'heure, les 1500 euros à gagner. Et puis l'horoscope qui arrive dans une minute. Autrement dit, à 6h50 puisqu'il est 6h49. Casino. Chez Casino, pour l'achat d'un carton de 6 bouteilles de Saint-Émilion, le deuxième est gratuit. Et donc, Mélanie adore le Saint-Émilion, foncé chez Casino. Jusqu'au 18 septembre, c'est la foire au vin dans tous les supermarchés Casino. Et pour l'achat d'un carton de 6 bouteilles de 75 centilitres Lussac Saint-Émilion 2015 Château Saint-Pierre de Rambaud, le deuxième est à 0 euros au lieu de 47,40 euros, soit 3,95 euros la bouteille seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça veut dire quoi être cool pour Darty? Être cool, c'est être détendu après ses vacances, c'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille, c'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un smartphone à prix cool, bref, c'est être cool quoi. La rentrée est cool chez Darty. Profitez de nos meilleures offres. Par exemple, l'iPhone 5S 16Go, argent ou gris sidéral, est à 349 euros. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est vrai, c'est gentil, Pascal. Je dois t'avouer que j'étais séduite par... Il a l'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, les 10 croissants pur beurre sont à 2 euros chez Netto. 2 euros! Netto, le discounter qui fait la différence. 500 grammes, soit 4 euros le kilo, offre valable dans les magasins équipés d'un terminal de cuisson. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Allez, comme promis, 6h50, l'horoscope de ce vendredi 2 septembre. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et voici les notes, les puissances amoureuses de tous les signes. On va commencer par les capricornes et les poissons. Vous avez zéro aujourd'hui. On a zéro. Ce qui est pas mal, c'est que Cédric et toi, vous pouvez passer la journée ensemble. Ouais, c'est vrai, ça. Voilà une très bonne nouvelle. Tiens, pas con. Vous aurez pas beaucoup de temps aujourd'hui. Pas beaucoup de temps à consacrer à l'amour. Vous êtes tellement occupés. C'est pas grave, vous rattraperez ce week-end. Capricorne, poisson, zéro. 1 sur 5. Les lions et les gémeaux. Vous attendez trop qu'on vienne vers vous aujourd'hui. Faites le premier pas. Ça peut parfois être utile. 2 sur 5. Les taureaux et les vierges. Pour les célibataires, ne laissez pas votre timidité vous faire louper une belle journée et une belle rencontre. Et en couple, osez parler de ce qui vous tracasse. Confiez-vous, les taureaux et les vierges. 2. 3 sur 5, les verseaux et les scorpions, un moral au top. Vous allez donner le sourire à tous ceux que vous allez croiser aujourd'hui. Super. Ah, c'est bien. 4 sur 5, les sagittaires et les balances. Ah. Encore mieux. On va vous trouver très sexy aujourd'hui. Les autres vont vous mater en douce. Vous allez vous faire mater, les sagittaires et les balances. Et 5 sur 5, les béliers et les cancers. La semaine se termine en beauté pour vous. La libido, autrement dit, l'envie de baiser. En forme. Et en hausse, lâchez-vous, profitez-en, les béliers et les cancers, vous avez 5 sur 5. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et dans un instant, attention, les hommes s'expriment sur les femmes au volant, j'adore. Et les femmes s'expriment sur les hommes au volant, j'adore aussi. C'est après Florida et Pitbull. Green Lights maintenant sur Skyrock. Give me the green light, cause I'm ready to go, let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Give me the green light. I got the green light, mommy, and you know what that means. That we can do anything, anything that you dream. I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Oh, cause I'm ready to go. D'accord. Give me what I ask for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus, glow a genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out. Send me 500, bye-bye. Wild out, shout out. Be high, fit the honeycomb, hide out. Hey, give me the green light, 'cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light. Sur Skyrock, on écoutait le son de Pitbull avec Florida, c'était tous les deux sur ce morceau. On se prépare un petit Justin Timberlake qui arrive dans un instant et voici tout de suite le sondage du jour. Le sondage du morning de Difool sur Skyrock. Et ouais, tous les matins on parle des découvertes des Français, des humains, des gens du monde, de tout le monde. Voici donc le sondage qui a été fait sur les Français et les Françaises. On a demandé aux Françaises qu'elles pensaient des hommes sur la route. On a demandé aux Françaises qui pensaient des femmes sur la route. Danger public, on nous dit sur le 41-759. Ça c'est pour les... c'est pour les femmes, je suis sûr. Ah bah tiens, pareil. Skyman qui nous laisse un message du 78. Il a 18 ans, il nous dit: les femmes sont trop lentes sur la route, danger permanent sur la route pour Chris du 13. Eh bien commençons parce que les hommes pensent des femmes au volant. Allez. Alors qu'est-ce que pensent les hommes des femmes au volant d'après vous? Femmes au volant, mort au tournant. Ah bah écoute, je l'ai pas dans mon sondage ça. Elles sont trop lentes. Femmes dans le fossé, danger écarté. Non plus, je l'ai pas non plus dans mon sondage. En troisième position. Numéro 3. Elles sont trop lentes. Ah, je l'ai dit. Elles conduisent pas assez vite. Troisième position. Bah moi, tu vois, je reprocherais plus ça aux vieux, moi. Ah bah si c'est une vieille femme, alors. Numéro 2. Les femmes sont des dangers publics. Elles ne mettent pas leur clignotant et elles roulent en zigzag. C'est le numéro 2. Ah bah ouais. Numéro 1. Ah, elles sont beaucoup plus prudentes. Ah, un compliment enfin, tiens. Ouais. Vous avez vu à la première place, les hommes font un compliment aux femmes. Elles sont beaucoup plus prudentes que nous, les hommes. C'est vrai que statistiquement, elles ont moins d'accidents que les hommes. Parce qu'elles roulent plus doucement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais oui, Romano, soyons un peu miso quand même. Elles roulent plus doucement. Vraiment. Non, mais en fait, c'est elles qui causent des accidents. Elles n'en ont pas, mais c'est elles qui les déclenchent. Évidemment. Ben voilà. En zigzagant, le mec derrière se fout dans le fossé, quoi. Et attention, voici maintenant ce que pensent les femmes des hommes au volant. Numéro 3. Bah, on conduit très bien. Trop agressif. Numéro 3. Ils s'emportent, manque de civisme et arrête pas d'insulter. Ils sont trop agressifs. Bonne réponse de Cédric. Ah merde. Numéro 2. Ils roulent beaucoup trop vite. Bah, on roule à la vitesse qu'il faut, hein. Ouais. On respecte les panneaux, hein. Et attention. Numéro 1. Un compliment, vous aussi, les filles. Vous avez quand même fait un compliment. Ouais. Eh bien, vous avez confiance en votre conduite, les hommes, d'après les femmes. Vous maîtrisez bien votre véhicule. C'est le numéro 1 du sondage du jour. C'est vrai qu'on sait manier le véhicule. C'est vrai. Bon, on va retenir les compliments, hein. Les femmes, vous êtes plus prudentes. Les hommes, on maîtrise notre véhicule. Bon, sinon, les hommes, c'est des gros cons. Ils passent leur temps à insulter. Ça, c'est pour ouais, les femmes. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, Les femmes, elles zigzag. Les femmes, elles zigzag. Elles sont trop lentes. C'est des dangers publics. Voilà. Voilà le résumé du sondage du jour. Bon, ah ben, on conduit très bien en France. Si vous êtes en voiture, bon courage à vous. Les hommes, les femmes, tout le monde. Ouais. Il est 6h57. Allez, vite, la pub en speed, mais très vite. Et puis juste après, le son de Justin Timberlake et vos 1 500 € gagnés entre les deux, les infos. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron, c'est râpé. Comment ça, c'est râpé? Bon, je vous mets au jus. Je suis chez Lidl là. Et aujourd'hui et demain, ils font la barquette d'un kilo de carottes à 69 centimes. 69 centimes le kilo de carottes chez Lidl? Oh, purée. Ah, c'est le vrai prix, hein. Et origine France, hein, pour pas changer. Pour nous, les carottes, hein, Bah, elles sont cuites, je sais, patron, hein. Non, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 20-45, variété nantaise, origine France. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveautés sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Leclerc. Maman, est-ce que tu prendrais un petit café carte noire fraîchement acheté chez Leclerc? Du carte noire en dosette? Et avec 40% de ticket Leclerc. Ah, je vois. Corsé classique ou espresso classique? C'est parce qu'on gagne encore plus à être fidèle au moins cher que du 30 août au 3 septembre chez Leclerc, les deux packs de 48 dosettes de café carte noire, plusieurs variétés au choix, sont à 8,88€, soit 13,21€ le kilo, avec en plus 40% en ticket Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. Mmh, il est délicieux. Bah, c'est du carte noire. J'adore. Pour votre santé, bougez plus. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. En ce moment, c'est le happy 55e anniversaire Auchan. Un anniversaire? On doit faire un cadeau? Mais non, c'est celui d'Auchan. Ah, super! Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, dans les magasins Auchan, Adepa et Simply Market, profitez d'une bouteille de champagne brute 75 centilitres à 9,60€. 9,60€ la bouteille de champagne? Champagne Louis Journet dans les magasins Auchan et champagne Luc Darrow dans les magasins Adepa et Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Happy égale heureux. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et oui, happy égale heureux. Vous êtes sur Skyrock, tout va bien. C'est Justin Timberlake sur Sky. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio, ça. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling à 7h du matin, juste après les infos. Elles arrivent, les infos, vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Allez, Justin, on l'avait promis, il arrive, c'est sur Sky. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Pour se réveiller le matin, c'était Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. On prépare Rihanna, Rihanna et Calvin Harris. Ah, on aura un gros son de Silento qui va nous rappeler des souvenirs. Watch Me Néné. Oui, Watch Me Néné à écouter avant 7h15. Et puis, bah, d'ici là, on aura une autre réveil de star du matin. C'est Jamel Debbouze qui réveille les familles ce matin. Nouvelle famille avec Jamel à retrouver, bah, d'ici 10 minutes sur Skyrock. Préparez-vous. Et là, il est prêt, il est là. C'est Rémi pour les infos. Ouais. Pour être au courant de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va se passer, tu t'en occupes, Rémi. On va t'écouter là, il est l'heure de la météo pour aujourd'hui, le temps du jour. Ouais, avec un soleil encore bien présent sur la majorité du pays, ça fait plaisir. Quelques nuages qui vont arriver cet après-midi par le nord-ouest avec quelques gouttes de pluie prévues en Bretagne. Demain, c'est à peu près pareil, des éclaircies qui dominent, mais un temps couvert en Bretagne. Et puis pour dimanche, eh bien, ça va se gâter. Des averses prévues dans le nord-est et sur le centre. Les températures ce matin entre 10 et 12 en Normandie dans le nord et les Ardennes de 14 à 22 de la région. Parisienne au sud du pays, 21-26 près de la Manche cet après-midi, 29 à Paris et de 31 à 35 dans les régions du sud. Et puis la pollution, c'est moyen, les indices compris entre 4 et 5, 5 à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier et Ajaccio. Et attention, 1 500€ à gagner dans un instant sur Skyrock, juste après les infos et le sport. Et une belle rentrée pour les Bleus, le match amical qui remonte le moral, c'était hier soir contre l'Italie. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-1, but de Martial, Giroud et Kurzawa. Le sélectionneur est content, hein. Il dit toujours que c'est perfectible, mais que c'est quand même une bonne bonne rentrée. Ça augure de bonnes choses pour le sérieux qui commence dans 4 jours. Vous le savez, la France affronte la Biélorussie en vue des qualifs pour le Mondial 2018. 3 points à aller chercher. On suivra tout ça, bien sûr, mardi soir dès 21h dans la Radio Libre. Oui, allez les Bleus. Allez les Bleus. Le démantèlement de la jungle de Calais qui va se poursuivre. Annonce faite par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, se rend sur place aujourd'hui. Le gouvernement envisage de créer plus de places d'hébergement pour désengorger le camp de migrants. Une 14e victime après l'incendie d'un bar à Rouen le 6 août dernier. La victime qui avait été grièvement brûlée n'a pas survécu après un mois de souffrance, selon ses proches. La jeune femme aurait eu 26 ans le mois prochain. La fédération PS de Paris saccagée hier. Les locaux ont été pris pour cible par une trentaine de personnes. Une enquête a été ouverte. Le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis parle d'un groupuscule d'extrême gauche. Des scènes d'émeutes et des barricades dans les rues. Situation toujours très tendue au Gabon après la réélection contestée d'Ali Bongo. Un millier de personnes arrêtées. Les leaders de l'opposition seraient retenus contre leur gré au quartier général de Jamping. François Hollande appelle à l'apaisement. Ouais, on va parler sport maintenant. Un rendez-vous foot à ne pas manquer et du tennis. La finale de la Coupe de la Ligue aura lieu à Lyon cette saison. Ce sera le 1er avril. On a encore le temps, mais l'annonce a été faite hier. Le titre se disputera à Bordeaux en 2018 et à Lille en 2019. Et puis du tennis avec l'US Open de New York. Ça passe pour Nicolas Mahut et Caroline Garcia. Fin de l'aventure en revanche pour Jérémy Chardy ou encore Paul-Henri Mathieu. Ouais, merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 7h30. Ouais. 7h05 sur Skyrock. Chaque matin, le morning de Difool te réveille en direct de l'appart de Difool. Bon, je vous fais visiter vite fait. Ici, c'est la cuisine où Difool essaie encore de faire du café. Romano, là, il est en train de... Voilà. Cariole est sous la douche. Et dans la salle à manger, il y a Cédric et Rémi en train de bouffer tous les croissants. Oh non, sérieux les gars, non. 6h-9h. The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Voilà, plus jamais je les invite à la maison, c'est fini. Ouais, c'est terminé. Rémi, ça. Terminé. Tu fais quoi, moi? 7h05, tu bouffes tout le temps, toi. N'importe quoi. À 7h20, tout à l'heure, tiens, je voulais pas annoncer, on jouera à Info Mytho avec les nouvelles du monde. On en saura plus sur ce qui s'est passé dans le monde ces dernières 24 heures. Et oui, Info Mytho. Et en plus, votre téléphone a gagné, votre iPhone 6S oui. A chopé. Bonne chance à vous. Et avant ça, 1500 euros. Et bien sûr, le réveil de star. Réveil de star avec Jamel Debbouze ce matin. Oui, Jamel Debbouze, alias Asmerix. Oui, c'est dans Asmerix. Asmerix. Asmerix. C'est quoi, numéro bis, c'est ça? Numéro Nis. Numéro bis. Numéro Kiss. Numéro Kiss. C'est Jamel Debbouze qui arrive dans un instant sur Skyrock pour réveiller les familles de France. Bonjour Jamel. Comment ça va? Ça va bien. Il est tombé dans un truc de potion magique lui ce matin, là. Bon, Jamel Debbouze réveille les Français, on va voir comment ça se passe. Tenez-vous prêts, mais tout de suite. Bah, c'est toi qui as l'enveloppe, Romano. Oui, ça y est, ouverture de l'enveloppe pour les 1500 euros. Et ouais, j'ai porté chance, j'ai ouvert l'enveloppe de 6h30, c'est tombé chez Patricia à Lens. On va voir ce que ça va donner maintenant. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant, tout de suite, ouverture de l'enveloppe avec les petites mains de Romano. Et nous allons dans le sud de la France. Vous écoutez Skyrock dans le sud de la France. Attention, on débarque. Dans la ville qui a un club de foot désormais américain. Oh, bonjour. On est les Américains, c'est pour nous. Et voilà, c'est pour nous les 1500 euros. Et voilà. Go, hein, Bogo. Et offre-nous 1500 dollars, connard. Et c'est Marcel. Et on appelle Marcel. C'est Marcel Fary. Marcel Fary, on tire partout, hein, dans les annuaires, dans les numéros que vous nous laissez pour les inscriptions aussi, hein, tous les matins. Hein. Envoyez 1500 au 720 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Oh, je suis Marcel. Marcel, on lui offrait 1500 dollars. Et voilà. Ah, Marcel, réponds. Marcel comment? Fary. Marcel Fary. Allez, vite Marcel, faut aller au téléphone. Ah, on est des Américains. Allô. Oui, allô. Marcel. Oui. Bonjour Marcel, comment vas-tu? C'est qui? Et c'est la radio, Marcel, on est en direct à la radio. Et on t'a tiré au sort. Je vais te dire quelle radio dans un instant, mais je vais te poser une question, c'est un jeu. 1500 euros à gagner. Si tu me dis quelle est ta radio préférée, Marcel, eh bien on t'envoie 1500 euros à la maison à Marseille. Ego, M. Ego. Alors, Marcel, quelle est ta radio préférée? Je sais plus. Énergie? Mais non. Oh, j'aurais pu te donner un indice en disant que c'est la radio la plus écoutée à Marseille. Ben oui, c'est Skyrock, mon ami Marcel. Ah et oui, oh là là. Oui, oh oui. Là, là, là, là. On a changé de siècle, Marseille. Marcel. C'est Marcel, la Marseille. Marcel. Et oui, Marcel. Oh là là, on aurait bien aimé offrir 1500 euros à Marseillais ce matin. On aurait pu te les transformer en dollars, si tu veux. Maintenant que vous êtes américain, les Marseillais, hein. T'es au courant, ton club il a changé de nom. Ouais, il a été racheté, ça y est. Ouais. Rien à foutre, toi. Eh bien, non. Rien. Ah, mais rien. Bon. Mar- Skyrock. Eh ben oui, Skyrock, Marcel. Les Américains. Eh oui. Si on est Américains, nous aussi. Nous aussi, t'as vu Skyrock. Bon, Marcel, la prochaine fois, tu réponds Sky et tu gagnes 1 500 €. On te fait une bise, Marcel. Eh. Hey. Hey, bonne journée. Oui. Go, OM. Hey, go, OM. On est les Américains. Eh ben oui. Voilà. Salut, Marcel. À toi, ciao. Ciao. Allez, bonne journée. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Des réveils, des réveils. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Avec Skyrock, Rihanna, Calvin Harris, on écoutait le son qui déchire et qui a déchiré tout l'été. This is what you came for, une découverte Skyrock. Watch me, néné. C'est dans un instant, c'est le son de Silento. Et tout de suite, voici celui qui va réveiller la France ce matin, Jamel Debbouze. Salut, Jam. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Moi, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, bah, tu sais, moi aussi. Ah bah, surtout à la radio, Jamel, ça fait plaisir. Moi, c'est une numéro bis. Non, toi, tu es Jamel Debbouze. Prends pas pour un con, quand même. Comment ça va ? Bah, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il est en pleine forme, ce Jamel Debbouze. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il va nous présenter Cléopâtre. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Oh, Cléopâtre t'a demandé de construire un palais pour César. Ah, wow. Si par malheur j'échoue, Cléopâtre me jette au crocodile. Oh là là là là. Les crocodiles. Quelle est méchante, te jette au crocodile. Oui, non, mais oui, excuse-moi d'en faire un sac, mais je vais finir dans un crocodile peut-être. Bah oui, un sac crocodile, jeu de mots, très drôle. Ha ha ha. J'ai même pas compris, tu vois. Mais moi, je t'explique toutes les blagues d'Astérix. C'est Astérix. Hein. Attention, attention, vous êtes prêts, vous entendez bien. Je capte plus là. Mais ah. Tu ne captes plus, Jamel? Bah, si. Mais si, on est là, on est là. Allez, c'est parti, c'est le réveil de Star, comme tous les matins, à 7h13 ce matin. Les stars réveillent la France. Vous les connaissez un petit peu sur les bords, non? C'est le réveil de Star sur Skyrock. Ouais, avec Jamel Debbouze ce matin qui réveille la famille de Bernard. Jamel Debbouze dans Cléopâtre et Bernard, une famille de France comme ça prise au hasard. Hop. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment ça me fait plaisir de vous voir. Attends, c'est pas connu ta voix, là. Moi, c'est une numéro bis. Ouais. Numéro bis. C'est pas Pascal. Non. C'est pas Pascal, ça. Je suis numéro 10, le fils de votre vieil ami, Touméris. Attends, je vois pas, attends, numéro 10, attends. Il n'y a pas de numéro 10. C'est le numéro bis. Numéro bis. Ah, c'est bis. Oui. Non, mais là, t'es en train de me raconter, je sais pas, attends, là, tu me... Attends, là, je vois pas... Attends, faut voir des mots aussi, là, laisse tomber. Je veux pas te m'aborder de construire un palais pour César. N'importe quoi. Si par malheur j'échoue, Cléopâtre me jette au crocodile. Alors, oui, et après. Oui, non, mais oui, excuse-moi d'en faire un sac, mais je vais finir dans un crocodile peut-être. Mais dis-moi ton nom, bordel. C'est le numéro 10. Mais numéro 10, je vois pas que c'est numéro 10. Non, numéro 10. Mais numéro 10, oui, attends, bis, attends. T'es en train de me. Ah, la télé, c'est énervant quand c'est comme ça. Je te capte plus là. Mais si, je te capte. Bouge. Oui. Vous pouvez pas faire semblant de vous intéresser un tout petit peu à mon problème là. Si, moi je me suis intéressé à votre problème. Oui. Il nous faut des pouvoirs magiques. Attends, quel pouvoir magique que je peux te donner? Quand j'étais petit, papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon Panobemex. Oui, panoramique. Bininix. Panasenex. Un droïde gaulois qui possède le secret d'une potion magique qui donne une force surhumaine. Elle donne une force, mais d'une force. Ouais, c'est Astéris, ouais. Romain, je suppose, vous êtes Astéris. C'est pas où le village des Gaulois? À Rome. À Rome. Vous êtes Astérix, moi? Oui. Moi, je suis la gonzesse. C'est de la potion magique? Oui. Il ne s'agit pas de tout me vendre. Ouais. Juste une marmite. Ouais, juste une marmite. Ah, bah, une marmite, j'en ai, ouais. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup, là, je suis libéré, là. T'aurais pas une sorte de potion magique qui, par exemple, des petites graines? Qui, quand il les plante, ça fait comme des palmiers tout de suite. Des palmiers tout de suite? Bah, c'est lui qui jouait dedans. Oh. Oui. C'est Jamel Debbouze qui jouait dedans. Ouais. Ça y est, je m'en. J'ai l'enfoiré. Tu m'as bien baisé. Écoute, ta voix, je l'avais déjà entendue, mais j'ai. C'est toi, c'est certain. T'es sûr? Ah, bah, c'est certain. Oh, là, ta voix, oui, je la reconnais. J'y vais. Ouais, un de ces quatre? Attends, à moi. Oh l'enfoiré. Oh bah dis donc, ce matin il y a Jamel Debbouze qui nous a appelé à la maison. C'est quand même un truc de fou, hein. Bernard va raconter ça à toute la famille. Jamel Debbouze, il m'a fait une blague au téléphone. Il est sympa, hein, vraiment, hein. Bernard, Jamel Debbouze, Cléopâtre et Asmirik. Un sur Clintoc. Ouais, oui. Allez, go. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Ah, Watch Me Néné dans un instant. On est prêt à jouer à Info Mito. Ouais. Juste après Salento. Duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff dub, dub, dub. Now I mean bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Le son de Skyrock, le son de Silento sur la première radio urbaine mondiale. On écoutait Watch Me Bébé, Watch Me Néné et Watch Me Néné à 7h19. Bah tiens, on est presque à l'heure. Dans 15 secondes, il sera 7h20 et on va jouer à Info Mytho pour gagner ce matin. Mais oui, votre iPhone 6S. Ouais, pour le dernier. Pour ceux qui l'ont déjà, d'ailleurs, on peut vous donner le chèque pour l'iPhone ouais. Si vous voulez. Hein. Oui, un peu plus de 600 euros. Et après, vous faites à peu près ce que vous voulez. Tu veux dire un peu plus de 700, Romano. Oui, c'est très cher. Et ouais, c'est très très cher. Donc vous gagnez tout ça. Notez bien les numéros hein, pour nous joindre tous les matins. Je dis ça pour les nouveaux qui nous rejoignent tous les matins dans le morning. C'est le 41 759, ça c'est par SMS, ou alors l'appli Skyrock, et ça c'est gratuit. Vous téléchargez l'appli Skyrock sur Apple Store, yeah, ou alors sur n'importe quel store, Google Play par exemple. Google Play, et puis vous nous envoyez des messages, c'est gratuit juste derrière. Voici Info au Mytho. Alors c'est parti. Et l'info que j'ai à vous donner ce matin, nous allons parler de Louise, une des candidates de L'Amour est dans le Pré, qui pense que l'urine, c'est mieux que le savon ou le dentifrice pour se laver. Eh ben, écoute, je ne lui ferai pas la bise. Est-ce que je peux avoir son visage? Ah ouais. Ah ouais. Tu vois? Ah ouais. Ah bah oui. Ah ouais. Quand même. Ah bah ouais. Bah question métallo, peut-être. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Oui, elle fait une allergie sur les joues. Enfin, je sais pas. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Louise, une des candidates de L'Amour est dans le Pré, pense que l'urine, c'est mieux que le savon ou le dentifrice. Bah attends, grande classe. C'est l'info que je vous donne. Est-ce que c'est une info vraie ou est-ce que c'est un mytho? Vos réponses tout de suite. Je donne mon top officiel. Que cette émission est romantique et glamour. Ah bah ouais, l'autre, si elle se lave à la pisse, effectivement, c'est romantique. Il y a du pipi dedans maintenant. Ah. Ouais. Allez, vos réponses très vite et on vous retrouve dans un instant. 41 759, appli, info ou mytho, et on joue dans un instant pour l'iPhone 6S. GPS, démarrage sans clé, caméra de recul. Non, franchement, elle est canon ta nouvelle Volkswagen. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Sports Van All-Star suréquipée est à 300 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2257 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Oui, quoi encore? On a un pépin. Chez Lidl, ils ont croqué les prix. Aujourd'hui et demain, le sachet de 2 kilos de pommes bicolores Origine France est à 1,99€. Moins d'un euro le kilo. Moins d'un euro le kilo de pommes bicolores? Mais c'est infernal. Ah oui patron, vous avez raison, c'est un prix d'enfer. Fini, oui. Mais patron, je suis paumé. C'est bien vous qui m'avez demandé les prix Lidl. Oui, bah on est mal, hein. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 115-150, variété Gala ou Elstar. Et ton grand, il fait quoi maintenant? Le lycée, c'est du sérieux, on ne les voit pas grandir. Tu l'as bien assuré? C'est un vrai changement de vie. Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux. Et c'est moins cher la première année au lycée. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première entrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. En ce moment, c'est le happy 55e anniversaire Auchan. Anniversaire veut dire cadeau. D'ailleurs, j'ai entendu parler de voitures à gagner. Oh, ben dis donc, ça m'intéresse. Attends, écoute. Jusqu'au 13 septembre, Auchan fête son anniversaire et met 55 Renault Twingo en jeu. Alors tentez votre chance chez Auchan et dans les magasins à deux pas. 55 Renault Twingo à gagner? Super! Et 10 Renault Twingo de plus sont à gagner dans les magasins Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Jeu gratuit sans obligation d'achat pour l'ensemble des magasins et sites participants. Voir règlement sur Auchan.fr. Happy égale heureux. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire. Elle est à moins 50% la rentrée. Non, mais c'est une expression. C'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. Rentrez nos stress chez But. En ce moment, le matelas Dream et Avisco Spring 140 par 190 est à moins 50%. 219,99€ au lieu de 433. But, c'est nous. Garçon, excusez-moi, quel est le plat du jour? Eh bien, le plat du jour, c'est... L'Air Discount, je dois filer. Aujourd'hui, les côtes de porc Origine France sont à 2,49€ le kilo chez Netto. 2,49€. Ah, l'Air Discount, la bonne affaire du jour. Netto, le discounter qui fait la différence. Échine carrée filet, barquette de 3 kilos environ. Breakdown. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appel le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le faux filet de bœuf charolais de 200 grammes à griller à 3,70 euros chez Leclerc. Du 31 août au 2 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le faux filet de bœuf charolais 3 étoiles à griller de 200 grammes, origine France, à 3,70 euros, soit 18,50 euros le kilo. Inutile de résister. Du faux filet comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Je suis le dressing de chez Castorama. Et avec tous mes copains du rayon rangement, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à aller jusqu'au bout de leur projet. Pas vrai, les amis? Oui! Alors, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de remise sur les dressings, les portes de placard, les boîtes de rangement et accessoires de penderie. Oh, ça y est, je sens que je vous donne déjà envie de ranger. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste et horaires des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois, détails sur SFR.fr. La rentrée chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant. Pour une rentrée qui roule, aujourd'hui et demain, le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 7h26, alors on va savoir si c'est vrai là, la dame de... L'amour est dans le pré, Louise. Oui, c'est voilà, ça, Louise. Cherchez son nom, on parle de Louise, Louise ce matin. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Ah, fraîcheur et beauté le matin avec les conseils de Louise, candidate d'amour, de l'amour est dans le pré. Et Eve qui est avec nous en direct. Bonjour Eve. Salut Default, salut toute l'équipe. Salut Eve. Salut Eve. Salut. 25 ans et tu as Ronnie Soubois, c'est ça? Ouais, dans 93. Et t'as la bonne réponse. Alors je vous parlais il y a un instant de Louise, une des candidates de l'amour est dans le pré, qui pense que l'urine c'est mieux que le savon et le dentifrice. Alors info ou mytho? Info. Eh oui, c'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Info. Louise, bah, c'est terrible pour les gens qui vivent avec elle surtout. Louise, c'est elle, elle a même fait un tuto pour expliquer tout ça. Donc l'urine c'est top sur la peau. Top sur la peau. Donc dans le petit tuto elle explique que ça hydrate, ça cicatrise, ça exfolie, bien d'autres choses encore. Ça remplace le savon. Mais ça pue aussi. Le dentifrice, ça remplace tout. Le dentifrice, ah mais. L'urine, c'est top, elle dit sur la peau. Bah, qu'elle continue, hein, ça m'éclate. J'y roulerai pas une pelle, moi, elle, personnellement. Ah ouais. Moi et l'autre, elle dit ça et elle espère trouver un mec. Oui, c'est vrai. Dans l'amour et dans le pré, dis donc. Bah, attends, allez, mon chéri, on va se laver les dents au pipi. C'est une info. Bravo, Eve, t'es qualifiée pour jouer avec Cariole d'un côté, Romano. Ce sont nos deux journalistes du matin, ils sont partis à la chasse aux infos du monde. Et on va voir ce qu'ils vont te raconter ce matin. Attention, je te préviens, il y a un mytho parmi les deux, c'est pour gagner l'iPhone 6S. Info, faux ou mytho? Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. À toi, Lou, à toi, j'allais pas t'appeler Louise, excuse-moi. À toi, Eve. Romano, qu'est-ce que tu as à nous raconter ce matin? Alors, une folle nuit à Ibiza. Ah! Un DJ britannique. Bon, il mixait dans une boîte de nuit à Ibiza. Le problème, c'est que toute la nuit, il a beaucoup picolé. Ah, bah, c'est ça, les DJ, hein. Et le matin, en fait, le mec se rappelait plus, mais pendant la nuit, il a été sur eBay pendant qu'il était en discothèque. Ouais. Et en train de boire. Et en fait, le mec a acheté un bus qui vaut 35 000 euros. Ah ouais. Attention à l'alcool ce week-end si vous sortez. Et le mec, en fait, s'est dit merde, putain, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, pour le barreau, là, je vais faire transport des amis. Mais 35 000 euros, c'est même pas sûr qu'il les avait. Et donc, c'est son problème. Info ou mytho? Alors, bourré, il achète un bus à 35 000 euros. Un beau bus, hein. C'est l'info de Romano. Cariole. Moi, ça se passe dans l'Hérault. C'est une femme qui rendait visite à son mari au parloir, en prison. Oui. Et elle s'est fait arrêter parce qu'en fait, elle a caché dans ses fesses un kebab et des frites. Ah, mais écoute, il devait être bon. Le kebab et les frites dans les fesses. Non, parce qu'elle est souple. Alors, info ou mytho? Qu'est-ce que t'en penses, Eve? Alors, moi, je pense que Romano, c'est une info. Et tu penses que Cariole est une mytho? Ouais. J'aurais dit comme toi. Est-ce qu'on a raison? Eh bien oui, c'est gagné. Bravo. Oui, c'est gagné. Bravo, bravo. Yes, merci Skyrock, super. Ouais, super Eve, tu viens de gagner ton iPhone 6S ce matin. Alors Cariole, ça me rassure qu'elle ne mette pas un kebab dans les fesses. Non mais c'est mieux, en fait, elle a caché de la viande dans ses seins. Des escalopes. Oh, oh, ça part d'un bon sentiment. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Des escalopes sous les seins, là, les seins tombants, elle. Il y a de la place. Elle a mis un jambon, il est où? Bon, bah bravo Eve, t'as gagné. Merci beaucoup, super. Ton iPhone, on va te l'envoyer à la maison. Tu vas bosser ce matin, tu fais quoi? Ouais, je pars bosser dans une heure. Eh ben écoute, profite du morning d'ici là, on a plein de bons sons. Et on a peut-être 1500 euros à gagner, ce sera peut-être pour toi, on sait jamais. Tu t'es inscrite sur le 7-20-20? Bien sûr. Ouais, ben, t'as raison, envoyez 1500 au 7-20-20. Et on vous tire au sort et vous gagnez 1500 euros, c'est peut-être ce qui va se passer dans un instant. Salut Eve. Salut, je te ciao. Je te dédicace le morceau qui arrive, c'est ma beauté. Oh oui, ma beauté. C'est toi, ma beauté. Et c'est Maître Gims. Salut, bisous. Et Gims a gagné aussi hein, dans la roulette tout à l'heure, on fera tourner. La roulette qui tournera avant la fin du morning, c'est promis. Des places pour Maître Gims, la tournée Skyrock dans toute la France. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais, je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes. Je t'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Et dans la rue, elle t'abandonne. Sur Skyrock, c'était Maître Gims, la BO de Camping. Maître Gims, découverte Skyrock et une tournée Skyrock. On en reparlera avant 9h avec des places à gagner. Bon, l'iPhone est tombé, les 1500 euros aussi sont tombés il y a une heure. On était chez Patricia à Lens. Bravo Patricia, elle a gagné 1500 euros au réveil. Vous me direz, elle était bien réveillée, elle faisait le ménage depuis 5h du matin. Oui, donc ça va, elle est en pleine forme. Bravo Patricia, 1500 euros, c'est pour vous dans un instant. Vos conseils pas chers. Ouais. À 7h40, notez bien le nouvel horaire des conseils pas chers. Ah bah tiens, si vous êtes automobiliste, vous allez être content. Ah. Encore un truc qui va augmenter. Oh, les bonnes nouvelles des conseils pas chers. Préparez-vous et les infos de Rémi, c'est tout de suite sur Skyrock à 7h32. Rémi, on fait le point sur la météo pour aujourd'hui. Et bien du soleil encore aujourd'hui sur quasiment tout le pays. On a quelques nuages qui vont arriver cet après-midi par le nord-ouest avec des gouttes de pluie prévues en Bretagne, rien de bien méchant. Demain, samedi, ce sera pareil, il y a des belles éclaircies qui vont dominer. Mais un temps couvert en Bretagne et puis ça va se gâter dimanche, fin de week-end avec des averses dans le nord-est et sur le centre. Les températures ce matin, entre 10 et 12 en Normandie, dans le nord et les Ardennes, de 14 à 22, et de la région parisienne au sud du pays, 21 à 26 près de la Manche. Cet après-midi, 29 à Paris et de 31 à 35 dans les régions du sud. La pollution, c'est moyen, les indices compris entre 4 et 5, 5 à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier et Ajaccio. Et toute l'actu et tout le sport tout de suite sur Skyrock à 7h32. Et l'équipe ce matin est formelle, équipe de France solide, réaliste. Voilà, belle rentrée pour les Bleus hier, comme il faut l'avouer, contre il faut l'avouer, une formation transalpine assez faible quand même. Victoire logique des hommes de Deschamps qui n'ont jamais tremblé pendant 90 minutes, score final 3-1. But de Martial, Giroud et Kurzawa, le sélectionneur est content, il pense encore qu'on peut améliorer des choses. Normal, mais c'est dans 4 jours vraiment qu'il va falloir montrer l'étendue du talent. La France affronte la Biélorussie en vue des qualifications pour le Mondial 2018. 3 points à aller chercher sur le sol biélorusse. On verra tout ça mardi à partir de 21h dans la Radio Libre. Et allez les Bleus! La rentrée qui se poursuit aujourd'hui dans les établissements. Certains chanceux ont eu une matinée supplémentaire pour faire la grasse mat. D'autres sont encore plus tranquilles. Ce sont les étudiants. Ils ne retrouveront les bancs de la fac que dans quelques semaines pour la plupart. Alors comme dans les écoles, les collèges et les lycées, policiers, la sécurité est renforcée. Une série de mesures a été dévoilée hier par le gouvernement. Une enveloppe de 30 millions d'euros va être débloquée. Il y aura beaucoup plus d'agents pour contrôler les sacs et les cartes d'accès aux universités. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'économie. Philips annonce la suppression de 230 emplois dans sa filière éclairage. Cela concerne les sites de la Meute-Beuvron dans le Loir-et-Cher et de Méribel où les emplois seront délocalisés en Pologne et en Espagne. Un plan de départ volontaire serait dans les tuyaux. Un comité central d'entreprise se réunit aujourd'hui à Suresnes, en région parisienne. Un accident spectaculaire hier à Cap Canaveral, en Floride. Une fusée SpaceX a explosé sur son pas de tir. La raison de la déflagration n'est pas encore connue. L'engin spatial était en phase de test et devait décoller demain. Il avait à son bord le premier satellite lancé par Facebook et destiné à améliorer l'Internet en Afrique. Eh ben, c'est dommage. Ah, c'est dommage, ouais. Et puis la Floride qui s'attend à être balayée dans les prochaines heures. Là, d'ailleurs, ça arrive dans une demi-heure. L'ouragan Hermine est près, tout près des côtes américaines. Les vents vont souffler entre 150 et 180 km/h. Les autorités craignent une montée des eaux. Au moins 50 comtés ont été placés en état d'urgence. Et on va parler sport maintenant. Football avec Super Mario qui débarque à Nice. Ouais, à peine arrivé, Mario Balotelli a suivi son premier entraînement avec ses nouveaux collègues, les Aiglons niçois. Les fans sont venus en nombre pour voir Super Mario à l'œuvre. L'Italien a fait une bonne séance. Il s'est montré détendu, de bonne humeur. Il a même claqué quelques buts. Les personnes présentes sur place l'ont trouvé très affûté. Certains fans voient déjà en lui le futur meilleur buteur de la Ligue 1. Bon, c'est vrai que Zlatan est parti, mais quand même, de là à dire que Super Mario sera le meilleur buteur, je vous rappelle qu'il a marqué qu'un match l'an dernier avec Liverpool. Un but. Ouais. On aura bientôt une première tendance. On va suivre tout ça. Eh ben, on va suivre Mario Balotelli. On va bien rigoler avec lui. Ouais. Merci Rémi pour les infos. Il est 7h35. Les prochaines infos, c'est à 8h. Et les 1500 euros, c'est tout de suite sur Sky. La nuit a été courte. La journée sera moins longue avec le morning de Difool sur Skyrock. Ça passe vite le matin. Déjà 7h35, 1500 euros à gagner. C'est toutes les demi-heures. On a fait ça toute la semaine. Eh bien, on va peut-être recommencer la semaine prochaine. Allez. C'est fort possible. Oui, on va demander ça au directeur financier de Skyrock. Ça va être simple. Tu l'enlèves, Romano, hein, tu lui fais du... Ouais, t'inquiète, je vais m'occuper de son cas. Très bien, ouais, Romano s'occupe des problèmes d'argent. D'ailleurs, les conseils pas chers arrivent. Et un truc qui augmente encore pour les voitures, c'est ça? Ouais, c'est ça, des nouveaux trucs à faire. Bon, on en reparle dans un instant. Si vous êtes en voiture, d'ailleurs, on vous salue. Merci d'être là sur Skyrock tous les matins. Et on peut vous appeler dans la voiture, à la maison, partout, même au boulot d'ailleurs. Hein. Et même au bahut, on vous appelle. 1500 euros à gagner, c'est tout de suite sur Skyrock. Mode d'emploi pour choper 1500 euros. Bonjour, c'est qui? Tu fous le t'appel? Ouais, c'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. C'est facile. 1500 euros et l'enveloppe est ouverte. Et on va ce matin du côté de l'Auvergne. Oh! Ces Auvergnats, on dit, ils sont radins, non? Ouais, c'est vrai, ouais. Ils sont près de leur soupe. T'es pas Auvergnat, toi? Non, je suis bourguignon. T'es sûr que t'as pas un peu d'Auvergnat dans le... Bah, il faudrait que je regarde dans mon arbre généalogique. Mais tu partais en vacances à Auvergne, l'histoire du lac Jambon. Non, mais j'y étais une fois. Romano est allé au lac Jambon. Non, au lac Jambon. Hein. Alors, la patrie des radins, Clermont-Ferrand, c'est parti. On va chez vous, les Clermontois. Et on a tiré la famille Achoury. Ali Achoury, 1500 euros à gagner. J'espère qu'elle est joignable. J'espère qu'il écoute Skyrock, surtout. Hein. Attention, ouais. 1500 euros pour lui, s'il ouais. répond bien. 1500 euros, il faut répondre avant la cinquième sonnerie. On est déjà à 3, attention ouais. Ali. Et le 4. Et le 4. Oh, j'espère qu'il va répondre, je pourrais lui faire ma célèbre blague. Allô Ali. Juste pour ça, il faudrait qu'il décroche. Ouais, c'est ça. C'est mort là. Et ouais. Désolé pour Ali, il gagnera pas les 1500 euros. Et ouais, faut répondre. Ou alors vous laissez Skyrock sur le répondeur, ça marche aussi. Hein. Ouais. On vous rappelle après et on vous offre 1500 euros. Cash, c'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est tombé il y a une heure. Ça retombera peut-être dans une demi-heure. Encore 1500 euros à gagner sur Sky. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait... Ah, j'y crois même pas, là. J'y crois même pas, putain. Des réveils. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Give up now. Let Me Love You sur Skyrock, DJ Snake et Justin Bieber à 7h40. On est pile à l'heure. Tiens, c'est l'heure des conseils pas chers, Romano. Alors, conseils pas chers, vous avez un véhicule. Eh bien, vous êtes dans la merde. Et voilà. Voilà une nouvelle qui vous met de bonne humeur dès le réveil. Sympa. Si vous nous écoutez dans votre voiture, et ben voilà. Ben non, parce que Rémi en avait parlé dans les infos. Nouveau contrôle technique qui va être mis en place en 2019. En 2019, ça va. En 2019, ouais. vous avez le temps d'arriver. Mais par contre, les premiers tests ont commencé hier. Dans certains garages qui ont été sélectionnés. Donc en gros, ils vont faire des nouvelles mesures quand vous passez le contrôle technique pour la voiture concernant la pollution. Ah. Ils recherchent des nouveaux gaz. Très bien. Des nouveaux gaz polluants. Ah ouais. Très bien. J'espère que Cédric ne sera pas contrôlé parce qu'au niveau des gaz, lui, il est champion quand même. Ah, ça c'est clair. Ah ben pour contrôler, en plus ils te mettent une sonde dans le pot. Hein. Voilà, appelle-moi vite. Appelle-moi vite, Speedy. Ben ouais, parce qu'en fait ça va coûter plus cher parce que les garagistes doivent s'équiper d'un appareil qui coûte 5 000 euros. J'imagine que ce matin tu es testeur de pollution. Ben c'est ça exactement. Il faut mettre la voiture à jour. Le contrôle technique n'est plus valable. Très bien. J'arrive chez les particuliers pour leur faire le contrôle avec la sonde dans le pot. Très bien. On voit tout de suite tout à fait ce qui va se passer. C'est parti, les conseils pas chers. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je ne laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, ben vous voulez que j'appelle les flics. Romano, le roi des escrocs. Et c'est parti pour le premier client. On va voir si tu réussis tes conseils pas chers ce matin. Bah j'espère. Hein. Moi je vous prépare le loser du jour dans 10 minutes même pas. C'est pour la planète que je fais ça. Jean-Claude. Oui. Oui, bonjour, c'est la femme à Jean-Paul. Jean-Claude. Comment? C'est la femme à Jean-Claude. Oui. Oui, bonjour, Jean-Claude est dans le coin. Oui, je vous le passe. C'est le garagiste à propos de votre voiture. Ah bon? Eh oui. La Scénic. La Scénic. Le Scénic. Eh oui. Bon, parce qu'il y a un problème au niveau du contrôle technique. Je vous passe Jean-Claude. Alors. Bah, passez-moi Jean-Claude, c'est une affaire d'homme ça. Le garage pour. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est Jean-Claude à l'appareil. Oui. Oui, bonjour Monsieur Lapince, le garagiste. Je vous appelle pour le garagiste. Quel garagiste? Bah le garagiste du garage. Voilà, je vous appelais pour le Renault Scénic. Le Renault Scénic. Oui, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, écoutez, il y a un problème sur le contrôle technique, parce que là, je sais pas si vous avez vu vos informations, il y a un nouveau contrôle technique à faire, là. Faut que je mette une sonde dans le pot. Bah, mon Renault Scénic, il a 6 mois, 5 mois. Ah ben oui, mais le contrôle n'est déjà plus bon, hein. Il pollue trop. Il faut que je mette une sonde dans le pot, et que je mesure. Et vous êtes quel garage, là? Le garage La Pince. Où ça? Ah ben, à côté, là. À côté de. Bah à côté de chez vous là, vous passez devant des fois, je vous vois. Non, je comprends pas bien. Non, écoutez, ce que je vais faire, de toute façon, ça se fait à domicile. Donc bah, vous embêtez pas, j'arrive dans 10 minutes. Bah à Romain-sur-Meuse. Ah, exactement. Ah bon, parce que non, mais du tout comment vous avez eu mes coordonnées. Ah bah écoutez, c'est le vendeur de la voiture qui m'a donné tout ça. D'accord. Alors vous venez là maintenant? Eh ben je peux être là dans 10 minutes, un quart d'heure moi. Eh ben oui, si vous voulez. Je vous fais le contrôle technique et il y en a pour 150 euros. Bah je ne paye rien du tout. Hein. Ah si, bah écoutez monsieur, je viens pas gratuitement hein. L'auto n'est pas. Non mais après votre vendeur de voiture il vous remboursera. Bon attendez, moi je vais téléphoner à son vendeur de voiture. Oui bah écoutez, alors celui-là il est pas fiable. Ouais parce que moi je comprends rien du tout. Non parce que c'est le contrôle technique est sous garantie, il est pas question que je paye quelque chose. Ah bah si, le contrôle technique c'est pas compris dans la garantie ça monsieur. Oui bah ça. Bon moi attention, j'arrive dans 10 minutes, je vous mets la sonde dans le pot. Oui mais moi je paye rien. Oui bah ça écoutez, on verra sur le moment hein. Moi une fois que la sonde est enfoncée, il faudra payer. Venez si vous voulez. Je viens, oui. Ok. Bon bah prépare-moi le café, tiens. Bon, tiens, tant qu'à faire. Hein. Allez, pourquoi pas un petit café. Hein. Et ben voilà. Voilà, on pourra même immobiliser les véhicules en 2018 quand ils auront un mauvais état au niveau du contrôle technique. Ah. Non, 2019. Ouais, mais les voitures. C'est Tommy qui nous dit ça. Ouais, bah, dans les grandes villes, il y a déjà des voitures qui sont interdites, les vieilles, trop vieilles. Très bien. Et ben voilà, bientôt on roulera à pied. Voilà, c'est ça. Et ouais, on paiera plus cher. On est sûr de pas polluer comme ça, sauf Cédric d'ailleurs. Ah bah ouais. Oh ouais, je veux bien la sonde. tu risques d'avoir des problèmes si tu mets une sonde, toi. Hein. Attention, dans un instant, le loser du jour arrive sur Skyrock. On découvre le loser du jour. Alors, c'est une star de la télé. Vous connaissez nos chers voisins? Ouais. Ouais. Vous aimez bien qui dans nos chers voisins? Moi, j'aime bien. Le vieux. Le vieux, là. Ouais, moi aussi. Et la famille du Bernet Carton, là. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est les Bourges avec le mec qui a le poireau sur la gueule et la reine. Ah, bah écoute, reste bien là, Romano. De toute façon, t'es là jusqu'à 9h. Hein. Normalement, oui. Oui, nous aussi, hein, pareil. Profitez bien. Le morning avec les 21 Pilots qui arrivent et l'horoscope de l'amour dans moins d'une minute sur Skyrock. Il est 7h46. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur le robot professionnel Continental Edison Rouge, Sun Vitesse et Fonction Pulse à 99€, soit un bon d'achat de 39,60€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 5 au 11 septembre. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. Intermarché s'engage. Le raisin noir muscat, origine France, le moins cher de France, est à 2,09€ le kilo. Oui, 2,09€ le kilo de raisin, origine France. Mais c'est jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété muscat de Hambourg, catégorie 1. Si vous trouvez un produit identique moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Et l'horoscope, c'est parti à 6h47. Voici les 12 signes et leur puissance amoureuse. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh bien oui, pour les béliers et les cancers, meilleure puissance amoureuse du jour, c'est vous qui avez la palme aujourd'hui. En ce vendredi 2 septembre, béliers, cancer, la semaine se termine en beauté, avec une libido en forte hausse. Lâchez-vous, c'est la chaleur. Ah ouais, chaud. Ouais, béliers, cancer, 5, 4 sur 5, les sagittaires et les balances. On vous trouvera très sexy aujourd'hui, les autres vont vous mater en douce, les sagittaires et les balances. 3 sur 5, les verseaux et les scorpions. Un moral au top, vous allez donner le sourire à ceux que vous allez croiser aujourd'hui. Très bonne manière pour draguer ou pour se faire aimer les Verseaux, les Scorpions. 2 sur 5, les Taureaux et les Vierges. Si vous êtes célibataire, ne laissez pas votre timidité vous faire louper une belle rencontre. Et si vous êtes en couple, osez parler de ce qui vous tracasse à votre partenaire. 1 sur 5, les Lions, les Gémeaux aussi. Vous attendrez qu'on vienne vers vous, pas trop attendre. Hein. Et 0 sur 5, les Capricornes et les Poissons. Eh ben voilà. Vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à l'amour. C'est vrai que j'ai un nombre de trucs à faire, c'est la folie. Hein. Mais c'est ça. C'est ça les businessmen. Ouais. Bon, c'est pas grave, vous rattraperez ce week-end. Hein. Vous inquiétez pas, les Capricornes. Les Capricorneux et les Poissons. Et le loser du jour arrive dans un instant sur Skyrock. On est tous ensemble. Juste après les 21 Pilots et Ride. C'est sur Skyrock à 7h48. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. I'm on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. 21 Pilots sur Skyrock avec Ride. Il est 7h51. C'est l'heure du top lose, du top win, top lose aujourd'hui. Le loser du jour. Le loser du jour. Et oui, au top de la lose, on va vous présenter un des acteurs de nos chers voisins. Nos chers voisins, et en plus, tu l'aimes bien, Romano, lui. C'est Émeric Dubernet Carton, le numéro 2 de la banque. C'est son rôle dans nos chers voisins. Ouais, c'est ça. C'est la famille un peu bourge. Ouais. Un peu bourge, quoi, précieuse. Oui, oui, donnez-moi du thé, s'il vous plaît. Non, mais c'est un peu ça, ouais. Je boirais bien mon thé, mais avec un petit peu de... Avec sa femme, avec un petit peu de lait. Un petit peu de lait, voilà. Alors, il participe à Fort Boyard demain. Ah ouais. Eh bien, on exclut, voilà ce qui va se passer dans Fort Boyard. Le loser du jour, alors pourquoi? Parce qu'il doit faire l'épreuve de l'égout. Alors, l'épreuve de l'égout, tu te glisses dans un long conduit. Ça fait penser à quelque chose dit dedans, ça, tiens. Pour atteindre une pièce avec des souris dans lequel il devra trouver une boule. Ouais. Cédric, tu t'es caché dans la pièce? Non. Uh-huh. Et donc, il se glisse, et voilà ce qui se passe. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est le loser du jour. Allez, va plus vite, Thierry, va plus vite. Ouais, mais j'ai les couilles qui. Pardon, j'ai les couilles. Tu reviennes par le même chemin, donc accélère. J'ai les couilles qui. Ouais, mais là, je suis carrément à poil. Attends une seconde. Je remets mon slip. Voilà, il a un slip. Le mec se retrouve à poil dans le conduit des égouts. Ah, le mec, il fait quoi? Il fait Fort Boyard en boule-boule ou quoi? Bah, il est en slip. Il faut que tu cherches une boule. Non, je remets mon slip. Une boule. Ouais. Il y en a deux dans la boule. Il y en a deux dans le slip. Hein, ouais, si ouais, c'est boules, pas hein. Celle-là. Je vais faire mon slip encore. Oui, alors perdre son slip en direct à la télé, enfin en direct à la télé dans Fort Boyard, ouais. Eh bien ça mérite le titre de loser du jour. Bravo Thierry, donc Thierry Samitier, Émeric Dubernet Carton. Ouais, c'est bien lui. Nos chers voisins, il a bien fait d'aller sur France 2, je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès, ouais. Parce qu'il est sur M6. Ouais, c'est ça, ouais. Il lui a TF1. Les chers voisins, c'était fin. Ah, excuse-moi, Romano, c'est vrai. Vous avez vu, il est quand même bien que tu fasses pas d'erreur de genre. Une erreur grave, je m'excuse. Dramatique. Voilà, donc c'est demain dans Fort Boyard, cette histoire-là. Ouais, c'est ça. Voilà, le loser du jour, il mérite le titre. Hein. Ah bah bravo. Oui. De toute façon, on vient de lui le remettre. C'est, bravo. Magnifique. Demain, je vais regarder juste pour voir. C'est boule. Ouais, juste pour voir. Demain soir, il y a un film érotique, c'est sur France 2. Ouais, hein. Ouais. À partir de 20h50. Avec un mec trop beau gosse. Ah ouais. Ah ouais, en plus. Et en plus, il a une super raie. Lui, il a une gueule, mais. Il a une super raie sur les cheveux. Ah ouais, il a un poireau sur la gueule. L'autre oreille, j'ai pas encore vu. Vous la verrez demain. Hein. Ah bah oui. 7h53 sur Skyrock. C'est l'heure de retrouver les 1500 euros dans un instant. Si vous aussi vous voulez gagner 1500 euros, c'est facile. Vous attendez qu'on vous appelle, vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. On tire dans l'annuaire, mais on tire aussi sur tous ceux qui sont inscrits, enfin dans toutes les inscriptions. Au 7-20-20, vous envoyez 1500. On va peut-être vous tirer au sort dans un instant. C'est possible. 1500 euros à gagner. C'est sur Skyrock, bien sûr. 7h54. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. Oh, j'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non, mais c'est... Là, c'est vous le vendeur, là. Oh, ça va. Difficile de résister. En septembre, la Polo All-Star suréquipée est à 140 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 1606 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. À l'occasion de la rentrée des classes, achetez un pot de Nutella et recevez 8 étiquettes personnalisées pour vos enfants. Emma, Enzo, Chloé, Nathan. Alors rendez-vous en magasin. Offre valable jusqu'au 30 septembre sur les pots porteurs de l'offre, voire conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Casino. Chez Casino, pour l'achat d'un carton de 6 bouteilles de Saint-Émilion, le deuxième est gratuit. Et donc, Mélanie adore le Saint-Émilion, foncé chez Casino. Jusqu'au 18 septembre, c'est la foire au vin dans tous les supermarchés Casino. Et pour l'achat d'un carton de 6 bouteilles de 75 centilitres Lussac Saint-Émilion 2015 Château Saint-Pierre de Rambaud, le deuxième est à 0 euros au lieu de 47,40 euros, soit 3,95 euros la bouteille seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Une rentrée cool pour Darty, c'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty, hors darty.com.

rentrée du morning. Et toute l'équipe est déjà prête. Anthony, oh. Salut les filles. Est-ce que vous avez des bonne rentrée avec le morning de Diffoul sur Skyrock. The morning show. Et ouais, bonne rentrée. C'est le morning et c'est en direct tous les matins. Et c'est 1 500 € qu'on va vous offrir dans un instant. 1 500 € si vous répondez Skyrock. Et attention, il va réveiller la France après Jamel Debbouze tout à l'heure. On accueille un présentateur télé que vous verrez ce week-end. Je vous en dis un petit peu plus dans un instant. Tout à l'heure à 8h20, on va jouer ensemble à une invitée mystère aussi à accueillir. Très bien. Une star. Ah. Attention, star internationale à découvrir. Et un iPhone 6S à gagner. Et puis si vous voulez faire les cons avec nous, bah, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. C'est au 01 53 40 30 20. Et puis notez bien l'appli Skyrock pour nous envoyer des messages quand vous voulez. On salue Hakim, Pierrick, on salue Akomons qui vient d'arriver du Nord. Bonjour aux Camerounais aussi qui reprend l'école aujourd'hui. Difficile de sortir du lit. Ah ouais, je sais, le Camerounais. Ah, on va t'aider à te sortir du lit, le Camerounais. Là. Bonne journée, bon réveil et bonnes infos, Rémi. C'est l'heure de l'actu. Bah, sur la météo, c'est pas mal. Bah, c'est même très bien. Il fait beau aujourd'hui. On a encore du soleil hein, sur quasiment tout le pays. Quasiment parce qu'on a quelques nuages qui vont s'inviter cet après-midi par le nord-ouest et qui vont donner quelques gouttes de pluie en Bretagne. Demain, samedi, votre week-end avec des éclaircies qui vont encore dominer, mais un temps toujours couvert en Bretagne. Et puis, ça va se gâter dimanche avec des averses dans le nord-est et sur le centre. Les températures ce matin entre 10 et 12 en Normandie, dans le nord et les Ardennes de 14 à 22, de la région parisienne au sud du pays, 21 à 26 près de la Manche cet après-midi, 29 à Paris et de 31 à 35 dans les régions du sud. Et puis la pollution, bah c'est moyen, les indices compris entre 4 et 5, 5 à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier et Ajaccio. Et les bonnes nouvelles continuent, à parler des Bleus là tout de suite sur Sky. La France qui gagne et qui fait plaisir, bravo les Bleus, retour sur les terrains quasiment deux mois après la fin de l'Euro et une belle victoire contre l'Italie. Les Français n'ont pas été menacés sur la pelouse de Barry et s'impose 3-1. But de Martial, Giroud et Kurzawa. C'était un match amical. Il faudra faire aussi bien mardi prochain contre la Biélorussie en vue de la qualification pour le Mondial 2018. Didier Deschamps veut encore améliorer le jeu, notamment dans la charnière centrale. On verra tout ça à 21h dans la Radio Libre. Mardi, hein, donc mardi prochain. Oui. Le démantèlement de la jungle de Calais qui va se poursuivre. Annonce faite par Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place aujourd'hui. 7e visite pour lui. Le gouvernement envisage de créer plus de places d'hébergement pour désengorger le camp de migrants. Opération séduction pour Emmanuel Macron. L'ex-ministre de l'économie s'est rendu à la foire de Chalon en Champagne. L'accueil était chaleureux. Le leader du mouvement Marche s'est même offert un bain de foule. Il a dit vouloir écouter la vie vraie des gens. Des scènes d'émeutes et des barricades dans les rues. Situation toujours très tendue et confuse au Gabon après la réélection contestée d'Ali Bongo. Un millier de personnes auraient été arrêtées. Les leaders de l'opposition seraient retenus au quartier général de Jamping. François Hollande appelle à l'apaisement. Après les Bleus, et ben on va parler foot maintenant et puis un peu de Formule 1 aussi. Ouais, un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer. La finale de la Coupe de la Ligue aura lieu à Lyon cette saison. On l'a appris hier, ce sera le 1er avril. Le titre se disputera à Bordeaux en 2018 et à Lille en 2019. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Et puis fin de carrière pour Felipe Massa, le pilote brésilien de Formule 1, va tirer sa révérence à la fin de la saison. Le vice-champion du monde 2008 est au plus haut niveau du sport auto depuis 14 ans. Les pilotes sont ce week-end dans le temple de la vitesse à Monza en Italie. Eh oui, merci Rémi. Les infos, la suite tout à l'heure à 8h30, il est 8h03 sur Sky. Dans le morning de Diffoul, ils ont tous un secret. Sauras-tu les reconnaître? Il peut sentir les odeurs à plus de 1000 km. Il perd ses cheveux chaque fois qu'il reçoit une facture. Il fait l'amour en moins de 3 secondes. On présente les précoces. Elle est amoureuse de son chien. Alors, vous les avez reconnus? 6h-9h. The Morning Show. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Moi, j'ai les tous reconnus par le premier. Bah, c'est toi, Diffoul. Ouais. Ah c'est, oui, c'est toi. Attends, c'est moi le premier. Ah oui, c'est toi, oui. Ah oui. Bon, bah c'est bien, écoute. Que grand nez, là. Grand nez. Oh, grand nez qui sort de truc. C'était pas grand nez, ça dit que j'en livre des trucs à 1000 km. Ouais, bah c'est impressionnant. Hein. Oui, aujourd'hui, pas trop. Mais bon, hein. Alors, on a les 1 500 €. L'enveloppe, je l'ai là, je vais l'ouvrir dans un instant. Le réveil de star, une star de la télé qui vient réveiller les familles de France. Mais qui c'est donc, d'après vous hein? On va le découvrir dans un instant. Vous allez le retrouver ce week-end, en plus, à la télé avec le retour. C'est d'ailleurs retour, c'est d'ailleurs depuis la semaine dernière. Ouais, depuis la semaine dernière. Oui, le retour de The Voice Kid. Ah, The Voice Kid, oui. Ouais, c'est que les enfants. C'est pas The Voice normal, c'est The Voice Kid. Ouais, The Voice Kid. Allô? Allô? Oui, c'est Nikos. Nikos, es-tu là? Allô, allô? Ouais, il y a de la merde dans le tuyau. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, il y a de la merde dans le tuyau. Nikos Aliagas. J'espère qu'il va être bien accueilli, il est de bonne humeur. Ah, ça mais il est très content. Hein. Bon, allez, avant The Voice Kid ce week-end, Nikos réveille les familles de France. Préparez-vous. Et préparez-vous à l'accueil, mais tout de suite, j'espère que vous êtes prêts pour les 1 500 €. Oui. Ouais. Les 1 500 €, ça déchire tout. Les 1500 euros, Nikos. C'est de la bombe. Eh ouais. C'est Skyrock. Difool t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. C'est Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1500 euros à gagner. Truc de ouf, ouais, c'est ça. Et l'enveloppe qui est là, allez hop, j'ouvre l'enveloppe et on va vous offrir de l'argent si vous habitez à... Déjà dans le 78, si vous habitez en dans les Yvelines, en région parisienne. Et à Trappes, plus précisément. C'est parti chez la famille Bernard, Martine Bernard, qu'on appelle en direct. Et on va lui demander quelle est sa radio préférée. C'est déjà tombé une fois ce matin. Peut-être la journée des filles, hein, c'est tombé chez Patricia tout à l'heure à Lens. Ouais. Et là, on file chez Martine. Allô ? Oui. Oui, bonjour Martine. Oui, bonjour. Bonjour Martine, comment ça va, dis donc ? Ça vache à bord. On est en direct, Martine, à la radio, dans toute la France. Et on t'appelle ce matin parce qu'on t'a tiré au sort, c'est pour t'offrir 1500 euros. Ah, c'est Gilles ? Non. C'est Gilles ? Ah, c'est lui ? Non, c'est Stéphane. Non plus. Non. Moi, je voulais un nom de radio, Martine. Quelle est ta radio préférée ? Un nom de radio, RTL. Et puis en plus, d'habitude, j'ai le nom des gens ou le numéro, mais là, j'ai secret. Ah ah. Hey, dis donc, Martine. C'est secret, ben, on va te dévoiler le secret tout de suite. C'était Skyrock, Martine. On est en direct sur Skyrock. Non, mais c'est une blague. Mais non, Martine, on est bien sur Sky. Gilles, Stéphane ne sont pas là. Ah bon? Et non, malheureusement. On n'a pas de Gilles et de Stéphane dans l'équipe, en tout cas dans le morning. Hein. Oui. Bonjour quand même. Bah, bonjour Martine, tu es sympa Martine. Bon, je te donne un tuyau Martine. La prochaine fois qu'on t'appelle, tu réponds Skyrock et tu gagnes 1500 euros. Ah, d'accord. Dès qu'on te demande quelle est ta radio préférée, c'est comme ça que ça se passe. Ah oui. Et s'il y a marqué secret sur le téléphone, ça sera nous. D'accord. Enfin, c'est possible que ce soit nous. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui va appeler en secret, on va faire Skyrock. Ah, je connais pas cette radio. Tu connais pas cette radio ? Non. Bah, viens nous voir sur 96 FM, à Trappes. À 96 FM. Tu vas voir, c'est la folie. Ah bah, Trappes, je croyais que c'était Marmite. Marmite FM, oui. Mais Marmite FM, oui, mais on les a rachetés. Oui. Ah bah voilà. Ah bah oui, on a repris Marmite. Putain, le mec a appelé une radio Marmite. Chapeau. Oui, il y a Trappes, dans la région, il y a une radio Marmite. La radio Marmite. On salue nos collègues de Radio Marmite, pourquoi pas. Bah voilà. Voilà. Et le mec qui a choisi le nom, c'est génial, je mec. Je sais pas qui c'est. Il faut nous le présenter. C'est un homme extraordinaire. Oui, oui. Une femme, d'accord, d'ailleurs. Oui. On t'embrasse, Martine. Eh bien, oui, à la prochaine. Aussi. Eh bien, bon à week-end. Merci. Salut, Martine. Vous de même. Ciao. Oui. Et un bonjour à Radio Marmite. Oui. D'accord, je ne manquerai pas si je la vois. Salut. Ciao. Et on recommence dans une demi-heure avec 1500 euros à gagner. Bon, vous répondez Skyrock, ni casserole, ni marmite. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock qui offre 1500 euros tous les matins. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh là, le rêve. Dès le réveil. Et le morning qui vous passe le son qui déchire, Ken Jones. Hola, hola, don't mind sur Sky. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. Ken Jones sur Skyrock avec Don't Mind. On prépare Omi et Cheerleader sur Skyrock. Et là, c'est l'heure du réveil de star à 8h12. Tous les matins, une star réveille les Français. Tout à l'heure, on a eu Jamel Debbouze dans Cléopâtre. Ouais. Ah, super. La famille était contente à la fin. Ah, ben, j'ai parlé aux stars quand même. Oh, du coup, il y a Jamel, il nous a appelé. Ouais, ouais Jamel, je t'ai reconnu là. C'était la famille de Bernard. Magnifique. Et là, c'est Nikos, Nikos Aliagas qui s'y colle pour le réveil de star de 8h11. Allô? Oui, Nikos, on est prêt. Hein. Du calme, Nikos. Allô, allô? Oui. Il y a de l'eau dans le tuyau? Ouais, non. C'est ça. Il y a de l'eau dans le tuyau. Non, non, on t'entend bien, Nikos. Alléluia! Alléluia! Mais oui! Le réveil de star. C'est de la bombe! Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Voici donc Nikos et le réveil de star. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors? Les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Eh oui, c'est sur Skyrock dans le morning. Et c'est Nico qui va se faire réveiller ce matin. Nico et Nikos. Est-ce qu'en régie, on peut m'informer si la connexion est possible? Ouais, j'entends. C'est NIKOS. Il doit avoir un coup dans le pâté, là. Et je suis un jeune animateur sur TF1. Ouais, c'est Arthur. Non, j'ai un peu raté ma vocation. Un peu beaucoup, même. J'aurais adoré être une star des années 80. Oh la vache. Edith Piaf. Eh, hey, Edith Piaf. Ouais. Votre rappeur préféré, c'est MC Sola. Ouais, ouais. Vous, c'est ouais. R&B Lover. Mais non, non. Moi, c'est... plus de la dance, c'est que nous. Voilà. Écoutez bien The Voice. Moi, ouais, c'est mis sur le tapette, là. Bienvenue dans The Voice, le concours de chant qui ne ressemble à aucun autre. Ouais. Dans The Voice, seule la voix compte. Ouais. Quelles sont vos émotions ce soir? Oh, j'en tremble. Vous auriez voulu être une saucisse? Ouais, t'en es déjà une saucisse, d'eau. Vous faites des imitations, on m'a dit aussi, non? À Bourville? Allez. À ma bouche d'eau. C'est de la bombe. Et je suis faire la truie aussi. Très bien. Super, super, super. Ouais. Salut à tous. Voilà. Ouais, salut. Je l'adore. Salut à Taos. Alors je propose une nouvelle version de The Voice. Il y a The Voice Kid, il faut faire The Voice Animaux. Ouais, c'est ça, ouais. Et il faut embaucher lui, là, qui fait le bruit du porc. Ah, ouais. Ah non, mais déjà, rien que quand il parle, il a. Et c'est The Voice, quoi. Lui, tu trouves. Michel va être tapette. Et en tout cas, beaucoup de succès auprès de la famille derrière qui, sur l'imitation de Bourville, a réagi pas mal. Mais alors, sur l'imitation du porc, alors c'était vraiment. Ah, c'était la folie, là. C'était vraiment la totale. Ah, ouais. Vraiment, c'était super, Nikos. Bravo, merci. Je l'adore. Ah, bah, t'as découvert un talent, là. Oui, magnifique. The Voice, Nikos et le réveil de star. Et dans un instant, une autre star à découvrir, celle-ci, puisque c'est l'invité mystère. On va vous mettre un petit téléphone en jeu. Allez, l'iPhone 6S. Et pas n'importe lequel. L'iPhone 6S a gagné, c'est sur Skyrock. L'iPhone 6S, il est pour vous. Et une star, et ses frasques amoureuses. Ah, ouais, il s'en passe des trucs, hein, quand même. Hein. Et là, c'est Omi sur Sky, avec Cheerleader à 8h14. Motivation. My one solution is Skyrock. Get caught and play strong. Yeah, yeah. They are always. always on the corner right there, where I want him. All them other DJs playing, but Skyrock, you're number one, so play. Spin the CD, Skyrock, you're making a history. I'm listening while I'm cruising in my auto on the freeway. Skyrock Cheerleader, c'était Omi, ça rappelle des souvenirs, c'est bien, c'était l'été il y a un an ou deux ans, ça, deux ans je crois. Hein. Omi, Cheerleader, pour ça. J'ai un doute. T'as un doute, vérifie Romano, vérification immédiate sur Skyrock. Ah bah attends, Cédric, fast, adore ça. Fast checking, Cédric. Allez, vas-y. Allez, fast checking, c'était en quelle année, Omi, Cheerleader? Gros carton. Moi je dis 2014. Gros, gros son Skyrock. Ah tiens, un gros son aussi quand vous passez, ça c'est tout nouveau, c'est 2004. Lil Wayne, Wiz Khalifa, que vous avez découvert en début d'été sur Skyrock. Ça s'appelle Sucker for Pain. Sucker for Pain, yeah. Tu sais, pour du mal. Oui, oui, oui. Alors, on va passer maintenant à une invitée mystère à découvrir. Waouh, les stars s'enchaînent sur Skyrock, hein. Attention, voici l'invité mystère pour gagner votre iPhone 6S. Alors, Cédric, cheerleader, c'est quelle année? Novembre 2014. Merci Cédric pour cette petite info. Invité mystère. Allez, c'est parti. L'invité mystère. L'invité mystère. Écoutez bien. La voix de l'invité mystère. Bonjour ma chérie. Bonjour. Bonjour, c'est qui? Surprise! Ah, surprise! Et on va parler des frasques amoureuses de l'invité mystère. Il y a du nouveau dans sa vie amoureuse. Ouais, ah c'est ouais. Vrai, ça bouge. De toute façon, elle, oui, ça bouge avec elle. Hein. Ah, ça bouge beaucoup, beaucoup. Ah, hein. Ça remue. Du nouveau dans la vie amoureuse, elle remue en plus. Ouais, sans doute. Tiens, on va faire un petit quiz, c'est coucher, pas coucher avec. Ouais. Dans un instant. Coucher, pas coucher avec l'invité mystère. Mais d'abord, il faut nous dire qui est-ce. Vous avez reconnu sa voix, vous savez qui est-ce. Vous nous dites tout ça au 41-759. Vous laissez vos messages avec vos numéros de téléphone derrière. Ou alors avec l'appli Skyrock, c'est gratuit, c'est pas cher. Vous envoyez vos messages aussi. Et vous nous dites qui est cette belle invitée mystère. Je suis française. Non, oh, non, ça non, c'est non, pas non, vrai. Elle fait des voilà, blagues. Mytho. Voilà, j'ai reconnu, c'est Jennifer. Non, c'est pas elle. Non, non, pas du tout, non. Une star internationale. Non, non, elle est pas française. Elle fait des blagues. Allez, on la retrouve dans un instant. L'invité mystère à découvrir. Et du nouveau, donc, sur sa vie amoureuse. Attention, attention, il est 8h20. Et c'est Skyrock, le morning. La rentrée chez Intermarché, c'est reparti pour un tour. Avec le carburant à prix coûtant. Pour une rentrée qui roule, aujourd'hui et demain, le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous. Intermarché, tous

Ouais, ça va, elle est sympathique. Ouais, moi aussi, je la trouve sympathique. Elle est là, elle est avec nous ce matin. Coucou. Coucou. Ah, coucou. Ça va? Yes. Yes, ça va, ça va, ça va. Tu me trouves beau gosse? Yes. Ouais, ouais. Tu trouves que Romano est chauve? Yes. Yes, yes. Et Cédric a trois mentons? Quatre? Quatre mentons? Yes. Oh, t'as vu, c'est rigolo, hein? Ah oui, ça c'est la c'est aussi vilain, oui. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Bon, notre invité mystère, c'est elle. Qui c'est? C'est Rihanna. Ben oui, tu peux le dire. C'est Rihanna, bien joué. Rihanna sur Skyrock. I'm on Skyrock. Évidemment. Rihanna. Et Rihanna, il y a du nouveau dans sa vie amoureuse, sa vie sexuelle. Ah, absolument. On va faire un petit quiz d'ailleurs. Est-ce qu'elle a été en couple ou pas avec les artistes que je vais vous citer dans un instant? Et le nouveau sur sa vie amoureuse, ça s'est passé en concert. On le savait déjà un petit peu, on s'en doutait. Hein. Rihanna et Drake. Elle est en concert et elle chante... Bitch, better have my money. Le morceau que vous entendez derrière moi. Et attention, elle est montée sur scène au concert de Drake. Elle s'est mise à chanter Bitch, better have my money. Et à ce moment-là, elle embrasse Drake pour la première fois en public. Comme c'est beau. Oh, c'est mignon. Un kiss. Un kiss. Et on en sait un peu plus sur leur histoire. Ça fait depuis le tournage du clip de Work qu'elle sort avec lui depuis janvier dernier. Ah ouais, quand même. Donc pour Rihanna, c'est une histoire très très très longue. Ah oui, limite un record. Ouais, presque, ah ouais. Presque. Bravo en tout cas Alan, tu as reconnu Rihanna et tu viens de gagner ton iPhone 6S ce matin. Bravo. Ouais, merci, c'est cool. Eh ben oui, c'est cool. Il est pour toi l'iPhone 6S. T'as 19 ans, tu fais quoi dans la vie Alan? Tu nous as pas dit? Je sais pas demandé. Je suis boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier, très bien. Rihanna, tu veux un truc à la boulangerie? I love beer. Tu aimes la bière? Tu as de la bière à la boulangerie? Non, pas. Ah bah ouais. Désolé pour Rihanna, tant pis. Excuse-moi, par contre, est-ce que t'auras un gland? You are crazy, Romano. Elle t'adore, Riri. Ah oh ouais, mon gland. Tiens, on fait un petit jeu sur Rihanna. Allez, le jeu Rihanna, vous me dites si elle a été en couple ou pas, parce qu'elle est chantée avec un paquet de monde. Hein. Voici donc, là, bon, ça c'est facile. Elle a été en couple, on va laisser à lui-même le plaisir de se présenter. Oh, ugly bitches. Vous l'avez reconnu, Chris Brown. Ouais. Ah oui. Alors, est-ce qu'elle a été en couple avec Chris Brown? Oui. Ah bah oui. Oui, facile. Ouais. Bah oui. Elle était en couple entre 2008 et 2009, entre 2012 et 2013, le 25 juillet 2014, le 1er décembre 2015, entre 2h et 2h30 du matin, et également le 1er janvier 2016, entre 14h05 et 14h08. D'accord, précisément. Donc ils sont sortis souvent ensemble, ouais, hein, ouais. Rihanna et Chris Brown. C'est bien une histoire stable. Oui, ben Rihanna. Est-ce qu'elle a été en couple avec Usain Bolt, d'après toi, Alan? Non, je pense pas. Non, Romano? Non, je dirais non. Non, elle lui a mis un gros râteau sur Instagram en 2013. Ah, non. Usain Bolt voulait se taper Rihanna, malheureusement, ça n'a pas marché. Aïe. Ah, plus difficile. Est-ce qu'elle a été en couple avec Jay-Z? Je dirais non. Tu dirais non, Cédric? Bah, après, il y avait des rumeurs comme quoi ils avaient couché ensemble. Oui, alors d'après elle, c'est non, mais il y a quand même des rumeurs. Donc les deux réponses sont bonnes. Elle le considère comme son grand frère. Ouais, Beyoncé était jalouse d'ailleurs. Donc j'espère qu'elle n'a pas couché avec parce qu'elle le considère comme son grand frère. Ouais, c'est un peu dégueu, ouais. Attention, un footballeur maintenant. Tu connais Kevin Trapp, Alan? Ouais, je connais. Ouais, le goal du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'elle a été en couple avec Kevin Trapp? Apparemment. Ah non. Et non, juste un petit bisou sur une photo publiée sur Instagram. Pareil avec vrai, Karim Benzema. Ça, ouais, même chose avec Karim Benzema. Bah en même temps, l'autre il allait la voir, il avait un Bob Ricard donc. Oui, c'est vrai que pour cette il y avait des photos qui sortaient de Benzema avec elle, le mec il était en Bob. Leonardo DiCaprio. Ouais, je pense que oui, moi. Bah, je dirais aussi. Ouais, plutôt oui. On sait pas trop, mais plutôt oui. Ils ont passé beaucoup de soirées ensemble, dont la Saint-Valentin, donc ça veut dire quelque chose quand même. Ouais, et puis il y avait des photos qui étaient sorties, ils se galochaient en boîte et tout ça. Ouais. Exactement. Est-ce qu'elle a été en couple avec Jean-Pierre Pernaut? Bien sûr. Pour prendre l'apéro. À chaque fois qu'elle vient à Paris, d'ailleurs. Non. Est-ce qu'elle a été en couple avec Kev Adams? Non. Mais Kev Adams, il avait essayé de la brancher, c'est pris un vent, je sais plus. Oui, en soirée, elle avait twerké sur Kev Adams. Ouais. Et Kev Adams, qui était un petit peu bourré, lui a demandé, ouais, tu m'appelles quand tu veux pour un plan sexe. Et à ce moment-là, évidemment, gros râteau. Voilà, dans ça. Elle l'a carrément envoyé bouler. Ouais, désolé, Kev Adams, mais c'est comme ça. Hey, c'est Kev Adams. Hey, je suis pris un râteau. Hey, Kev Adams, c'est pas un râteau. Et donc, Rihanna a eu du monde, hein, quand même. Ouais, et Alan, grâce à Riri, ce matin, tu gagnes ton iPhone 6S qu'on va t'envoyer à la maison à Nancy. Bravo. On salue tout merci, Nancy. Merci. On t'embrasse, Alan. Bonne journée à toi. Salut. Ouais, bisous. Bisous. Allez, on se fait du bisous ce matin. Kiss. Ouais, oui, kiss pour Rihanna. Ciao Alan, on a le temps d'écouter Lil Wayne. Ah ouais, je vous avais promis ce son là. Lil Wayne, Wiz Khalifa, écoutez bien. Un son que vous avez découvert cet été sur Skyrock. Une des découvertes Skyrock de l'été. Sucker for Pain, juste après. 1 500 € for Money. Oh yeah. Vous répondez Skyrock, vous gagnez 1 500 €. Et les infos, entre temps, vous saurez tout. C'est sur Sky. Hein. C'est dans le morning. Direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Take my hand through the flames. I talk to you. I'm a slave to your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I told you, you take my hand through the flame. I told you, I'm a slave to I'm your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. For pain. Doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Suck of a Pain sur Skyrock, il est bon ce morceau, hein. C'était Lil Wayne, le grand Lil Wayne, et le très grand Wiz Khalifa d'ailleurs. Ah, ils sont grands les deux. Ah bah, il fait 2 mètres l'autre, Wiz Khalifa, c'est un espèce de machin, tu le regardes, tu vois pas le haut de la tête, c'est comme la Tour Eiffel. Ah ouais, c'est une cheminée, quoi. Et une cheminée parce qu'il fume beaucoup aussi. Ah ouais, ouais. C'est l'heure de retrouver les 1 500 € dans un instant, d'abord les infos, et puis Jules a écouté avec Vita, le retour de Vita et Jules sur Skyrock, évidemment, hein. On les retrouve juste après sur Sky. Et un petit sound designer aussi. Panda. Ouais, c'est bon, c'est Panda, Panda. On salue d'ailleurs ceux qui sont dans leur Fiat ce matin et qui nous écoutent, ou ceux qui travaillent au zoo d'ailleurs. Mais oui, bah, sont les Panda direct. Qui sont nombreux à nous écouter tous les matins. Allez, on y va pour les infos. On va commencer par la météo, Rémi. La météo de ce vendredi et de ce week-end aussi, tiens. Ouais, et bah, il va faire beau aujourd'hui. Voilà, quelques nuages qui vont arriver cet après-midi par le nord-ouest avec des gouttes de pluie prévues en Bretagne. Demain, eh bien, c'est pareil pour ce samedi avec des éclaircies qui vont dominer, mais un temps couvert toujours sur la Bretagne. Et puis ça va se gâter dimanche avec des averses dans le nord-est et sur le centre. Les températures ce matin entre 10 et 12 en Normandie dans le nord et les Ardennes, de 14 à 22 de la région parisienne au sud, 21 à 26 près de la Manche cet après-midi, 29 à Paris, 31 à 35 dans les régions du sud du pays. La pollution, c'est moyen, les indices compris entre 4 et 5, 5 à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier et Ajaccio. Et on fait le point sur l'actu, on va démarrer par du sport avec la belle victoire des Françaises qu'on a suivie hier soir. Bah, on peut le dire, la rentrée est plutôt réussie quand même pour les Bleus, hein. Oui. Pas mal. Match amical qui remonte le moral contre l'Italie. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-1, but de Martial, Giroud et Kurzawa. Le sélectionneur est content, il s'est dit satisfait, mais il y a encore du travail. Ça va d'ailleurs être fait jusqu'à mardi prochain, puisque les choses sérieuses vont commencer dans 4 jours. La France affronte la Biélorussie en vue de la qualification pour le Mondial 2018. On va suivre ça dès 21h dans la Radio Libre avec la plus grande attention. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'économie. Philips annonce la suppression de 230 emplois dans sa filière éclairage. Cela concerne les sites de la Meute-Beuvron dans le Loir-et-Cher, Méribel aussi, où les emplois seront délocalisés en Pologne et en Espagne. Un plan de départ volontaire est dans les tuyaux. Un comité central d'entreprise se réunira aujourd'hui à Suresnes, en région parisienne. Le démantèlement de la jungle de Calais qui va se poursuivre petit à petit. L'annonce est faite par Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place aujourd'hui. Le gouvernement envisage de créer plus de places d'hébergement pour désengorger le camp de migrants. La fédération Parti Socialiste de Paris saccagée hier. Les locaux ont été pris pour cible par une trentaine de personnes. Une enquête a été ouverte ouverte. Le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis parle d'un groupuscule d'extrême gauche. La Floride qui commence à être balayée là depuis quelques minutes. L'ouragan Hermine est arrivé ce matin sur les côtes américaines. Ça souffle fort, hein, entre 150 et 180 km/h. Les autorités craignent une montée des eaux. Au moins 50 comtés ont été placés en état d'urgence. Ouais, on file à Nice maintenant avec l'arrivée de Mario Balotelli. Puis on parlera aussi un petit peu de tennis avec l'US Open de New York, des États-Unis. New York, c'est sa première entraînement pour l'Italien hier avec ses nouveaux collègues, le Aiglons niçois. Les fans sont venus en nombre pour le voir à l'œuvre. L'Italien a fait une bonne séance, il s'est montré détendu, de bonne humeur. Il a même marqué des buts pendant cette séance d'entraînement. Bref, les personnes présentes sur place l'ont trouvé très affûté. Certains fans voient déjà en lui le futur meilleur buteur de la Ligue 1. Eh bien, on verra tout ça. On aura une première tendance certainement dans les prochaines semaines. Et puis du tennis avec l'US Open de New York. Ça passe pour Nicolas Mahut et Caroline Garcia. Fin de l'aventure pour Jérémy Chardy ou Paul-Henri Mathieu. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h35. C'est l'heure de vous offrir 1 500 € en direct sur Sky. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Et oui, 1 500 € qui sont tombés déjà ce matin. On était à Lens. C'est tombé dans le 62. Et c'est tombé chez les Oumezaouche. Vous avez vu, c'est arrivé. Bravo. Et ouais, c'est Patricia qui a gagné. Et ouais, Patricia qui a gagné 1 500 €. Bravo Patricia, félicitations. On parle d'argent. On vous en offre plein de l'argent cette semaine. Ils sont où mes gagnants de la semaine? Fabien de Lille, Stéphanie d'Orléans, Nadège de Lormand, Nico Alexandre de Draveil, Anaïs de Nancy, Stéphane de Nanterre, Aurélie de Nantes, Patricia de Lens. C'est pas fini, on va y aller dans quelques secondes. J'ai vu que tu m'avais volé mon enveloppe, Romano. Ouais, c'est bon, j'ai l'enveloppe dans les mains. Ouais, et juste après, tu t'occupes des conseils pas chers. C'est pour ça qu'on continue de parler d'argent. Conseils pas chers, sportifs. Oui, sportifs. Si vous allez à la salle de sport, eh ben ça peut-être vous intéresser. Bah grave. Qui c'est qui s'est déjà inscrit dans une salle de sport? Carriole, t'as jamais. Fait toi? Jamais. Jamais. Eh, pas besoin. Moi non plus, jamais. Ouais, t'en as pas besoin. Regarde comme tu es musclé, on dirait Usain Bolt. Ou Vénus Williams. Ou Vénus Williams. Non, Vénus et sa sœur. Et Serena, les deux. Les deux mélangés, Carriole. Ah, les deux, elles te mettent une baffe, tu décolles. Je t'en souviens, ouais. Cédric, évidemment, tu fais du sport. Bah, tous les jours. Mais tu t'es déjà inscrit dans une salle? Bah, à la piscine, ouais, j'étais 3 fois dans l'année. Non, je te jure. Quel bel investissement, dis donc. Non, mais c'est vrai, ouais. Il s'était fait couiller, il s'est inscrit dans une piscine, la piscine, 3 semaines après, elle a fermé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, elle a fermé pendant 2 mois. Pour cause d'hygiène, parce qu'il s'était baigné dedans, le truc a été infecté par une maladie, on sait pas ce que c'est. Ouah, j'avais une mycose. Ah, il nettoyait le bassin, je sais pas quoi. C'est ça, la ch'touille. Oh, voilà. Et Romano, salle de sport, c'est bien ton truc, ça. Ah, bah, à fond. Non, c'est déjà trop cher. Ouais, mais écoute, moi, j'y vais régulièrement à la salle de sport en bas de chez moi. Tu vas soulever de la fonte. Oui, je soulève. Ça se voit, non? Ah, bah, c'est impressionnant. Bah oui, c'est clair. Donc, si vous allez à la salle de sport, bah, déjà, dites-nous, vous pouvez nous envoyer vos messages sur le 41759 et sur l'appli Skyrock si vous êtes déjà arrivé des trucs un petit peu bizarres dans la salle de sport, genre vous vous faites mater sous les douches. Absolument, ou oui. Ou on vous drague, ou alors je sais pas, un tapis sur lequel vous faites des exercices qui puent des pieds. Ah. Non mais des trucs qu'on rencontre dans la salle de sport, hein, c'est pas mal ça. Hein. T'as jamais fait, Cédric, toi, vu que t'as un gros lourd. Tu sais, genre un mec sur les tapis de course, tu passes, t'accélères le truc. Ouais, je l'ai fait à un pote, c'est une fois. Et alors il s'est cassé la gueule. Non, il a sauté, il m'en a collé une. Ah non. Il a continué l'entraînement. Bien joué le pote de Cédric. Qui t'a utilisé comme punching ball. C'est ouais, ça. Ouais. Et donc, amis sportifs, si vous allez dans une salle de sport, une idée qui peut vous intéresser, un concept innovant qui vient du Canada. Ouais, et qui va peut-être bientôt arriver en France. Ouais. Restez bien à l'écoute. Tiens, on salue Soders qui s'est inscrit à la salle de sport. Moi, mon mec va à la salle de sport tous les matins et tous les soirs. C'est devenu comme une drogue pour lui, on se voit presque plus. Ah bah tiens, dis donc, c'est Patou qui nous a laissé le message. Mais pourquoi aller dans une salle alors que tu peux courir dans la rue, c'est gratuit, hein? Ouais, parce que t'as des engins là, tu sais, les trucs, les machines. T'as l'air de t'y connaître grave. Mais grave. Bon, on y va pour la salle de sport, c'est dans un instant. Mais tout de suite, on file quelque part en France, 1 500 € à gagner. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et ouais, il faut juste répondre Skyrock quand on vous appelle. 1 500 € à gagner. On vous a offert 1 500 € toutes les demi-heures. Vous avez entendu le nombre de gagnants qu'on a eu cette semaine? Ah ouais. C'est pas beau. Et c'était pas fini. Et c'est pas fini. Parce que là, on va faire un tour en Franche-Comté. Oui. La capitale de la Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, c'est Besançon. Oui. Oui, c'est pas la capitale maintenant. Parce que ça a changé avec le regroupement des régions. C'est un bordel. Ah ouais, quel bordel, leur groupe. Bon, alors, en tout cas, c'est sûr, on va à Besançon, on va chez Madame Maillot. Madame Maillot, bien pratique quand on va aller à la piscine, Cédric. Ah bah oui. Ou pour mettre dans un plat la mayonnaise. Exactement. Ah. Eh bien, c'est Marine Maillot. Marine Maillot. Allô? Oula, mais déjà là, Marine. Eh bah, dis donc. Bonjour, Madame Maillot, comment allez-vous? Ah, merci. Ça va? C'est pour aller à la piscine. Ah. C'est la radio, Marine. On t'appelle pour t'offrir 1 500 € ce matin. On va te poser une question. Si t'as la bonne réponse, tu repars avec ton chèque. Marine. C'est Skyrock. Mais oui, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Et c'est gagné. Bravo, Marine. Je l'avais senti tout à l'heure. J'ai dit c'est peut-être le jour des filles aujourd'hui. Hein. Ouais. Et la preuve. Filles. Bam, deux filles. Tout à l'heure, Patricia à Lens. Et toi, Marine, à Besançon, 1 500 €. Tu viens de gagner en direct. Ouais. Bien joué, Marine. Ben, tu t'es inscrite ou on t'a tiré dans l'annuaire, toi? Je me suis inscrite. Eh ben, t'as bien fait. Inscrivez-vous au 72020. Vous avez vu, hein. Vous vous inscrivez. Vous envoyez 1 500 € au 72020. Et on peut vous tirer au sort, le matin, dans le morning. Vous répondez Skyrock et c'est gagné. Présente-toi un petit peu, Marine. Fais quoi dans la vie? Moi, je suis aide-soignante. Très bien. Oh, j'ai mal. D'un coup, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Juste en dessous du nombril. Il a très très mal. Oh, quelle douleur j'ai. Ouh, j'ai mal. Voilà, je peux te masser. Laisse-moi avec Marine, Cédric. Tu vas travailler, j'imagine, ce matin. C'est ça. Et ben, avant d'avoir travaillé, Skyrock est capable de t'offrir 1 500 €. Tu viens de gagner ton chèque, Marine. Oui. Ben oui. Tu fais quoi dans la vie à part l'aide-soignante des enfants, un mari? Non. Elle est célibataire. Amie de Besançon, elle est célibataire, elle est riche. Et elle a gagné 1 500 €. Elle a 1 500 € sur son compte. Profitez bien. Bon, éclate-toi bien, Marine. Hein. Profite bien du week-end. Et profite bien de tes 1 500 € qu'on t'envoie très très vite à Besançon. Et puis bonne journée au boulot alors. Hein. Merci, c'est gentil. Ouais, super, Marine. On t'embrasse et ne quitte pas. On prend tes coordonnées. Tu aimes bien Jules et Vita? Oui, moi aussi. Eh ben, ça tombe bien. Bon, on va se faire plaisir à nous tous là. Vita, Jules, ça les dérange. Et dans un instant, c'est Romano qui dérange les familles. Les conseils pas chers. Tu aimes bien les conseils pas chers? Oui, j'aime bien. J'adore. Ah ben voilà. Et ouais, c'est parti. Juste après Jules et Vita. Bisous, Marine. Ciao. Ciao. Bisous. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah, j'y crois même pas là. J'y crois même pas. Vita. Réveille. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me tais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Analyser, moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. On marche à la parole. n'en a rien à foutre. Ouais, ça les dérange. C'était Jul et Vita sur Skyrock à 8h44. Skyrock, la première radio urbaine mondiale et la rap radio qui vous rapporte plein d'argent tous les matins. 1 500 €, c'est tombé deux fois. Et Romano a réussi ses conseils pas chers jusqu'à maintenant. Hein. Ouais, alors attention, nouveau conseil pas cher, les salles de sport. Oui. Romano n'a pas besoin de se coiffer le matin. Non. Ça lui fait plus de temps pour arnaquer. Exactement. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Et il en prend du temps. Voici donc le conseil. Alors, c'est quoi ton truc là dans la salle de sport? Ça peut être intéressant pour ceux qui font du sport. Je salue Harmonie qui va faire du sport et qui n'arrête pas de se faire draguer par des gros lourds. Gros bisous Harmonie, on te fait un bibi et on salue les gros lourds qui te draguent à la salle de sport. Ah, mais t'as pas vu le message de. C'était Poupina. Il y en a eu tellement, j'ai pas tout vu. Attends, fais voir, remonte un peu. Alors, attends, je remonte. Attends. Ah ouais, il était fameux le sien. Alors, attends. Tombé sur un bon dingue là. Ah, voilà, c'est Poupina. Ah là, voilà. Une fille de 32 ans. Dans ma salle de sport, un mec qui se collait le sgeg contre les jets d'eau dans le jacuzzi mix. Oh. Ouais, il peut essayer dans le trou du cul aussi, ça marche, c'est pas mal, ça te fait un nettoyage interne. Ah ouais, c'est parfait, puis t'es à côté, t'es content du voyage. Oui, oui, ah, il y a plein de filles qui se sont fait draguer. Regardez, Melinda qui nous envoie un message et qui nous dit qu'il y a un mec qui est trop moche, il se trouve trop beau, il drague toutes les meufs de la salle de sport. L'autre jour, il m'a dragué, mon mec est venu me chercher, il lui a failli en coller une. Ah bah, il y a Joy aussi, dans ma salle, il y a un gros relou qui arrête pas de me suivre partout. Je peux pas, j'en peux plus de lui. En fait, il y a tous les pervers qui sont dans les salles de sport. Absolument, oui. Oui, bonjour. Bonjour, je te suis partout. Oui. Les pervers sont de retour ce soir dans la radio libre, tiens, je vous le dis. Hein. Avec Pamela, ouais. Avec Pamela et la rentrée de Pamela ce soir. Alors, le Canada, c'est là-bas que ça se passe. Une chaîne de salles de sport qui s'appelle Nautilus. Alors, c'est une grande opération. Alors, je ne sais pas comment ils gagnent de l'argent, mais bon, c'est pas mal. C'est plus tu vas t'entraîner à la salle de sport, moi ça coûte cher. À chaque fois que tu vas à la salle de sport, ils te donnent de l'argent. Ah ouais. Ils déduisent sur l'abonnement, en fait. C'est bien ça. Bah ouais, c'est bien. Bon, il y en a qui vont y passer la journée. Hein. Je sais plus qui c'est qui se plaignait tout à l'heure que son mec était jamais à la maison et qu'il allait à la salle de sport le matin et le soir. S'il lance ça en France, ça va arriver en plus. Hein. Ouais, alors par exemple, si tu vas 3 fois par semaine à la salle, sur l'année, ça te fait économiser 234 $ canadiens. Pas mal. Ça fait combien de dollars canadiens? J'en sais rien, mais pas mal. Ça fait de l'argent, tu sais, ça fait 1 euro en fait. Plus vous revenez, moins vous payez. Ouais, c'est ça. Mais, alors, mais comment ils gagnent des sous? C'est ça que je comprends pas. Ah oh, bah je sais pas, tu t'appelles Nautilus. C'est comme ça qu'il s'appelle Nautilus. Nautilus. Ça n'existe pas en France, Nautilus. Non, il n'y a pas ça. Non, c'est. En France, non, tu payes. Ouais, pour l'instant, tu payes. Pas d'argent, tu payes. Mais vous allez voir, ça va arriver en France et c'est déjà là, la preuve, écoutez. Ouais, bah directement chez les familles, je leur fais de la vente forcée d'abonnement à la salle de sport. Plus ils viennent, plus ils payent. D'accord. C'est le concept. C'est le concept à la française. Plus ils viennent, plus ils payent. Allô Bernard. Allô Bernard. Allô. Oui, bonjour, c'est Bernard. Mais non. Mais si, bah vous êtes Bernard, vous. Qui est à l'appareil? Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est Monsieur Lapince, le PDG de la salle de sport. Et je vous appelais concernant l'abonnement que vous avez souscrit par internet. Non, non, mais vous vous trompez, là. Ah, non, non, vous bah, non, parce que. Ah, non, non, bah, il faut venir à la salle de sport, je vous ai vu, ça va pas du tout physiquement. Vous êtes quand même bien amoché, hein. Non, mais attendez, je suis pas amoché du tout. Ah, si, si, bah, je vous ai vu, c'est pas jojo à voir, hein. Il y a des bourrelets, des trucs qui traînent, ah, comme ça, c'est pas bon. Il y a de la chair qui pend, Donc, vous avez, bah, si, si. Ah, ça pend de partout. Ça pendouille, mais de tous les côtés. Truc de on dirait les chiens tout plissés, là, les charpets. Oui, bon, je vais venir vous chercher là. Vous allez me donner 300 €, puis je vais vous coacher. J'ai une belle salle de sport dans ma cave. Non, non, non, non, on n'est pas question. Si, si, vous allez faire du rameur. Oui, certainement. Puis des abdos et vous allez. Et vous allez pomper. Allez, allez, viens, Bernard. Il n'y en a pas question. Allez, Bernard, t'es tout mou là. Ça va pas du allez. Tout. Allez, on va te remuer la graisse un peu. Ah, ah dommage. Dommage, ah bon, mais un autre. Presque. Bon. Presque. Bernard et ses bourrelets, on laisse tomber, on va chez qui? Emmanuel. Emmanuel et ses bourrelets aussi. Ah bah toujours. C'est ça, c'est la technique de vente. Dénigrer un peu le physique et refourguer l'abonnement derrière. Ouais, j'allais dire qu'est-ce que t'es moche et. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est la femme à Emmanuel? Oui. Eh ben, oui. Ça tombe bien. Emmanuel a un cadeau pour vous. Emmanuel vous a fait une petite surprise. Non, écoutez, ça arrêtez de vos bêtises. Ah bah écoutez, si, c'est la salle de sport. Parce qu'Emmanuel, il m'a dit que vous étiez toute flasque. Ça, j'ai même pas le temps de lui dire. Non, dommage. Si on appelle sur la troisième, Cédric. C'est dommage, ça lui aurait fait tellement plaisir. Oui, Bah je sais complimenter la femme. Mais pas oui, ça. Regarde, tu es toute flasque. Alors, fichez Olivier. Allez, Olivier. Et dans un instant, on va parler d'argent, beaucoup d'argent. Vendredi, c'est le jour du loto et de l'euro million. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a l'auto aussi le vendredi? Si, si. Ah ouais. Et dans un instant, on va parler d'argent. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. C'est, oui. C'est la femme d'Olivier? Oui. Eh ben, vous savez qu'Olivier vous a fait une petite surprise? Oui. Eh ben oui, je suis Monsieur Lapince, le PDG de la salle de sport. Il vous a pris un bon abonnement d'un an. Ouais, je pense pas parce que je suis pas sportif. Alors. Ah ben bah, justement, il en peut plus le pauvre Olivier. Eh ben oui, il m'a dit que c'est tout pendouillait sur vous. Ça pendouille. Ouais, bah non, pas du tout parce que j'ai rien qui pendouille. Ah si si, il m'a dit que ça tout pendait. Ça pendouille. Ouais ouais ouais. Il m'a dit que vous aviez le nombril au milieu des seins. Voilà, non, pas du tout. Et il m'a dit que vous aviez une culotte de cheval. Oh. Non plus. Ah bah si si, bah je vais venir vous voir là ce matin. On va faire un état des lieux. Désolé, je suis pas là. Ah si si, je pars au boulot. Ah bah il faut pas y aller ce matin. Ah bah si si si. Ah bah je passe vous voir ce soir. Ben voilà. Non, parce que j'ai plein de monde, j'ai pas le temps. Ah bah si, il va falloir venir à la salle parce que ça coûte 300 euros quand même. Hein. Ouais bah oui, justement 300 euros ça fait beaucoup. Hein. Ah bah ça fait beaucoup. Alors mais... s'il a fait ça derrière mon dos, et bah wayo. Wayo. Tu l'attends à la sortie. Hein. Ah bah oui, bah, ça, tu attends à la sortie, mais c'est pour te rendre plus belle. Ok, non, bah excusez-moi parce que je vais être en retard. Ah bah c'est pas... Allez, je viens. Au revoir. Non, viens. Oh, c'est Jean, c'est Jean. Ouais, mais elle va le regretter. Ils veulent pas faire d'efforts. Ouais. Regardez-moi, par exemple, je fais des efforts pour être toujours aussi beau. Toujours plus musclé. Non mais déjà à la base t'as quand même un physique avantageux. T'as une base ouais. C'est déjà. Vrai, j'ai quand même la base pour faire du sport. Vous voyez, bah, vous voyez, les familles n'ont pas accepté, elles vont finir dans l'état de Cédric. Et ouais, et ça c'est ou pas moi. Quatre mentons, quatre ventres. Vous pouvez aller voir tout ça sur tous les réseaux de Skyrock avec le hashtag Morning the Default sur Twitter si vous voulez. Bon, dans un instant on va parler d'argent, beaucoup beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez déjà joué à l'Euromillion? Est-ce que vous avez déjà joué au loto? Oui. Est-ce que vous avez déjà gagné de l'argent? Non. Et on va faire une compile un peu spéciale. La compile des collègues qui jouent ensemble au loto. Ouais, c'est vrai, il y en a plein, ça, qui font ça dans les boîtes, dans les bahuts, tout ça. Ouais, Romano, tu veux pas qu'on joue tous ensemble? Non. Pourquoi pas? Ah, parce que franchement, si on gagne et qu'il faut partager, ça me dégoûterait. Bah, c'est sympa, on ferait une fête ensemble, on gagne tous un peu, c'est bien. Non, mais c'est mieux que rien. Je préfère tout gagner tout seul, moi. Ah, tu préfères gagner beaucoup que gagner un peu? Bah non, mais je sais pas, admettons 100 millions. Ouais. Là, on est obligé de diviser par 4 ou 5. Ouais, ou 6 même. 6? Ouais. Bah non, c'est trop, laisse tomber, je joue tout seul. Bah partage. Bah oui. Bah non, mais pourquoi? Bah plus on met d'argent, plus on a de chance de gagner. Exactement. Donc il faut qu'on soit en groupe. Alors attention, la compile des collègues qui gagnent au loto ou à l'Euromillion et qui gagnent une loterie ensemble. On vous en parle dans un instant. Parfois ça se passe bien, parfois pas. Ah oui. Ouais, ouais. On s'en occupe juste après l'horoscope de l'amour. L'horoscope dans une minute et le son de Designer Rap US sur la première radio urbaine mondiale. C'est Panda pour nous. Maître Gims à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponible maintenant. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est Rappé. Comment ça c'est Rappé? Bon, je vous mets au jus. Je suis chez Lidl là, et aujourd'hui et demain, ils font la barquette d'un kilo de carottes à 69 centimes. 69 centimes le kilo de carottes chez Lidl? Oh purée. Ah, c'est le vrai prix, hein. Et origine France, hein, pour pas changer. Pas pour nous les carottes, hein, Bah elles sont cuites, je sais pas trop, hein. Non, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 20-45, variété nantaise, origine France. Tiens, Romano l'égoïste nous dit la VTC. Bien joué la VTC, t'as raison. Ah, un message qui va énerver Romano. Sodeur, j'ai déjà gagné 1100 euros au loto. Ah ouais, ouais, non mais c'est pas mal. Un autre message qui va t'énerver. Lutèce 75, mon père a déjà eu 4 bons numéros et 2 étoiles. Bah vas-y, dis combien il a gagné par contre. Ah ouais, il lui faut des sommes. Romano, ça l'excite beaucoup plus. On revient à notre compile du jour, mais d'abord l'horoscope de ce vendredi. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et les 12 signes, et la puissance amoureuse des 12 signes. Écoutez bien, les capricornes et les poissons, on a 0 aujourd'hui. C'est la bulle. Et ouais, on n'aura pas beaucoup de temps à consacrer à l'amour aujourd'hui. Plein de choses à faire, c'est pas très grave. On va se rattraper grave tout au long du week-end. 1 sur 5, les lions et les gémeaux, vous attendez qu'on vienne vers vous aujourd'hui. Attendez pas trop longtemps, sinon vous risquez d'attendre et de rien avoir. 2 sur 5, les taureaux et les vierges célibataires. Ne vous laissez pas bouffer par votre timidité aujourd'hui. Ça risque de vous faire louper une belle rencontre. Et puis si vous êtes en couple, osez parler de ce qui vous tracasse à votre partenaire, il sera ou elle sera à l'écoute. 3 sur 5, les Verseaux et les Scorpions. Un moral au top aujourd'hui. Vous allez donner le sourire à tous ceux que vous allez croiser dans la journée. Eh ben nickel. Et oui, Romano, tu fais rire. 4 pour les Sagittaires et les Balances. On vous trouve très sexy aujourd'hui. Les autres vont vous mater en douce, les Sagittaires et les Balances. Et 5 sur 5, les Béliers et les Cancers. Voilà une semaine qui se termine en beauté, libido en hausse, vous allez vous lâcher comme des oufs. Et bah profitez bien, Bélier Cancer, c'est vous les meilleurs. Ah bah bravo. En direct de 6h à 9h, c'est le Morning the Default sur Skyrock. friend, friend. I got broads in Atlanta, just a Doreen in the family. Credit cards and the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacies, family, wait and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet, you bandit. Killers understand me. I got broads in the land. Twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man at the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then the pull of your panda. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning street, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over to Laddie shoot. They be acting rent, I don't be clapping shoot. I be pulling that stuff in the Fanta shoot. I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black and six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the comment. But Broly is dancing bigger than the Panda, go out to the Grammy, but pull it, you're finding, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of money. No some killers pull off in the end of baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Licked up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby Trinity. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fool, and doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in the land. Twisted to lean the fan. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man at the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your band. Killers understand me. Panda. Panda. Panda, gros son de designer sur Skyrock, c'est bon ça, designer et panda à 8h56. Et on va parler d'argent, bah pour bien terminer la semaine, c'est bio. C'est beau, c'est bio. C'est bio, c'est, bio, ouais. C'est ça. C'est beau, c'est la compile du jour. Eh oui, la compile des collègues qui gagnent au loto ou à l'euro million ensemble, ils gagnent plein d'argent. J'en connais un qui va être tout excité après qu'on ait parlé de tout ça. Ouais, ça, ça va m'énerver. Ça a déjà commencé avec les messages que vous nous avez laissés là. Parce que des fois, de voir les gagnants, ça m'énerve. Des autres qui gagnent. Bah, sois content pour eux. Bah, bah oui, c'est bien de voir le bonheur. Une fois, il y avait eu un reportage, je me souviens, à la télé avec les super gagnants, ils montraient la vie des gens. Ouais. C'est qu'ils avaient gagné des millions et des millions. J'avais pas pu regarder jusqu'au bout, ça m'avait dégoûté, quoi. Pourquoi? Parce que, tiens, ils avaient trop de thunes. T'es mauvais. Mais grave, putain. Tiens, j'ai le mec, il était là. Mon truc le plus dur de la journée, c'est de me lever. Bon, la compile, alors ça va te faire du mal, ça, Romano. Hein. Ouais, oui. Ils ont joué ensemble. La compile du morning de Default sur Skyrock. Et oui, ils ont joué ensemble et on les a sélectionnés pour vous raconter leur petite histoire. On va commencer par le numéro 3. Oui, numéro 3. Le numéro 3 de notre compile de ce matin, c'est 22 collègues. Ils ont joué à 22. C'est pas mal, hein. Numéro 3. 22 collègues de la boutique de cosmétiques BCM. Personne connaît, mais bon, ceux qui sont du côté de Vitré en Ille-et-Vilaine savent peut-être ce que c'est. Ils ont gagné 12 millions d'euros au loto. Ah, c'est bien ça. Le petit calcul, putain, au lieu de 12 millions chacun, bah, comme ils étaient 22, ça leur fait 545 000 euros, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Bah oui, 545 000 euros. Moi, je préfère 12 millions. Tu serais pas content, toi? Bah si, mais bon, je préférais 12 millions. Et eux, ils ont continué à bosser. Ils ont continué à travailler. Ils sont retournés au boulot, comme si de rien n'était. On les salue, d'ailleurs, si vous nous écoutez. Eh bien, bravo à vous. Pensez à nous, quand même. On sait jamais. Ouais, on prend, hein. Ouais. Numéro 2. Des Irlandais. Ah oui, alors eux, cet été, ils ont gagné. Ils ont gagné. Eux aussi, c'était 22, c'est marrant, hein. À Dublin. un jackpot de l'euro million à 23,8 millions d'euros. Ça, c'est pas mal, ça. Ah ouais. C'est pas mal. Alors, eux, par contre, ils ont tous arrêté de bosser, hein. Ah bah ouais, ouais. Parce que vous divisez 23, fais-le tout de suite, Cédric. Tiens. Vas-y, ouais. Vous divisez 23 par 22, ça fait un peu plus d'un million chacun. C'est ouais. Ça, ouais. Ouais, donc ça va, ouais. T'as de quoi voir venir. Ouais, bon, bah, eux, tranquille. Bon, ils ont arrêté de bosser. C'est fini le travail. Terminé. Y a plus personne dans la boîte. Ouais. Les mecs ont fait fermer du Blabus, la boîte. Fermée. Terminé, quoi. Terminé. Numéro 1. Et numéro 1 de la compile des collègues qui gagnent au loto. C'est en Angleterre en 2013. Elle est malade. Elle jouait tout le temps avec ses collègues. Le jour où ses collègues jouent ensemble, elle n'a pas donné d'argent puisqu'elle n'était pas dans la boîte. Ouais. Les mecs ont gagné 33 millions d'euros. Oh putain, merde. 33 millions d'euros. C'est la seule fois où elle n'avait pas joué. Ça faisait des années que dans la boîte, tous les collègues jouaient ensemble. Et est-ce qu'elle a les boules? Alors, elle jouait toutes les semaines. 2 ans qu'elle jouait avec ses collègues. Quand elle a gagné, elle n'était pas là. Et est-ce que ses collègues lui ont filé un petit peu d'argent quand même? Oui, hein, un petit peu. Bah, que dalle, non? Non, rien. Oh non. Ah ouais? Ses collègues lui ont rien donné. Ah, c'est abusé. Pas une thune, que dalle. Bah, c'est abusé, elle a pas joué. Tu vois, pendant 2 ans, ils ont joué. Ils ont joué pendant 2 ans toutes les semaines. Elle est pas là. Elle est la pauvre, en plus, elle était malade. Elle est malade, ouais. Elle est malade. Bah oui, c'est ça. Bah, il fallait pas être malade. Et voilà. Les Anglais sont rapia. Ah ouais, ouais. Un peu comme toi, dis donc. Hein. Non, mais. Bah, genre, tu partagerais. Bah, tu lui files 10 000 balles. Si on joue tous ensemble tout le temps, oui, j'aurais donné. Oui, on aurait partagé avec elle. 10 000, tu donnes 10 000 chacun. Non, tu donnes sa part. Bah, sur 33 millions d'euros, oui. Tu peux donner un petit chose, truc. Ouais. Un carriole, c'est pas une pince, c'est les 10 000 euros. C'est pas mal. Ah, bah, quand t'en as 33. Dans un instant, on va vous offrir de l'argent, tiens, justement. Non, on va vous offrir Maître Gims. Ouais. Bah, oui. Ah oui. Bah oui, c'est les places de concert. On vous offre tellement de thunes cette semaine que moi, je m'y perds dans cette histoire. Allez, Maître Gims en concert à gagner. C'est pour vous, c'est sur Skyrock au 7-20-20, vous envoyez roulette, comme ça c'est facile, vous envoyez roulette, vous êtes tiré au sort et vous faites tourner la roulette justement avec nous, la roulette Maître Gims, il est en concert et en tournée dans toute la France avec Skyrock, il a choisi Sky a choisi Maître Gims et on a des places à vous filer, 200 places à gagner, peut-être 2 pour vous là dans un instant. GPS, caméra de recul, oh, elle est vraiment canon ta nouvelle Volkswagen. Hein. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Bah, Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Match suréquipée est à 270€ par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2867€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Je suis le dressing de chez Castorama. Et avec tous mes copains du rayon rangement, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à aller jusqu'au bout de leur projet. Pas vrai, les amis? Oui! Alors ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de remise sur les dressings, les portes de placard, les boîtes de rangement et accessoires de penderie. Oh, ça y est, je sens que je vous donne déjà envie de ranger. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste et horaire des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Intermarché s'engage. Le raisin noir muscat, origine France, le moins cher de France, est à 2,09€ le kilo. Oui, 2,09€ le kilo de raisin, origine France. Mais c'est jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété muscat de Hambourg, catégorie 1. Si vous trouvez un produit identique moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voix modalité sur intermarché.com. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur SFR.fr. Du cidre. À l'apéro de l'an zéro, le cidre du roi Arthur s'était envolé. Tout accusait ce fourbe de Jules César. Oh, c'est pas moi, j'avais poney. Mais arrête tes salades, César. Bon, j'avoue, je suis venu, j'ai vu, je l'ai bu. Mais Guenièvre sauva l'apéro. Elle avait des petites bouteilles de cidre au frigo. Doux, brut ou rosé, chacun son préféré. Patouche, César. Aïe. Le cidre rosé, c'est pour mon Jules. Depuis ce jour, les petites bouteilles de cidre à l'apéro, quelle fraîche idée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Kiabi colore la vie. Vous connaissez le service e-réservation de Kiabi? C'est carrément de la... magie! Vous réservez tranquillement vos articles sur kiabi.com, on vous les livre en magasin, vous essayez et vous achetez uniquement ce que vous aimez. C'est très pratique le service e-réservation chez Kiabi. Et c'est surtout de la... magie! Voir conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Ça y est, à partir d'aujourd'hui...

Les places pour aller voir Maître Gims dans toute la France. Il passe à Nantes, à Amnéville, à Lille, à Paris, à Dijon, à Clermont, à Marseille, à Lyon. Vous choisissez vos dates. Et tu dis stop quand tu veux, Nicolas. On l'a bien entendu, là. C'est bien. En fait, t'es bien réveillé, là, Nico. Et tu viens de gagner, Nicolas, en direct sur Skyrock à 9h09. Tes deux places pour aller voir Maître Gims. Bravo. Tu veux. Bravo, ouais. Voilà, c'est gagné. Tu veux aller le voir où, Maître Gims? À Lille, c'est possible. À Lille, au Zénith de Lille, il y est le 28 novembre. Ah, ouais, ouais, la tournée de Maître Gims continue dans toute la France. Énorme tournée de Maître Gims. Ah ouais, le Warano Tour. Oui, énorme tournée Sky. Eh bien, tu iras, Nico, tu vas avec qui? Ah, je vais avec ma copine, sûrement. Eh ben voilà, en amoureux, c'est mignon tout plein. Si elle est sage. Nicolas et la chérie, si elle est sage. C'est vrai, carrière, si elle est sage. On t'embrasse, Nico, merci de te réveiller avec nous. Merci, merci à vous. Et puis, tu reviens quand tu veux, Nicolas. Ça marche, pas de soucis. Salut Nico. Salut à toi. Bonne place. Les prochaines avec Fred. Restez bien sur Skyrock toute la matinée, toute la journée. Des places à gagner jusqu'à ce soir, jusqu'à la radio libre de ce soir. Entre 21h et minuit, on aura encore des places à vous filer. Ouais. Et le zap du morning. Vous l'attendez tous les matins. Ah ben oui, on l'attend. Il y a eu du monde ce matin. Jamel Debbouze était avec nous pour le réveil de star. Nico, ça fait réveil de star aussi. On a parlé de Rihanna. Rihanna et ses, et ses frasques amoureuses. Elle est chaude, Rihanna. Hein. Absolument, oui. Ouais, ouais, les conseils pas chers, les 1500 euros, tout ça. Dans le morning sur Skyrock. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Oui, bonjour monsieur Lapince, le garagiste. Je vous appelais pour le Renault Scénic. Oui, qu'est-ce qu'il a? Il y a un nouveau contrôle technique à faire là. Faut que je mette une sonde dans le pot. D'accord, alors vous venez là maintenant? Eh ben je peux être là dans 10 minutes, un quart d'heure moi. Eh ben oui, si vous voulez. Je vous fais le contrôle technique et il y en a pour 150 euros. Bah je ne paye rien du tout moi. Ah si, bah écoutez monsieur, je viens pas gratuitement hein. Moi, une fois que la sonde est enfoncée, il faudra payer. Venez si vous voulez. Je viens, oui. Ok. Bon, bah, prépare-moi le café, tiens. Bon, tu as tout à faire. Hein. La barbe, c'est très désagréable, les poils de barbe. Il y en a pas mal qui ont dit ça, des filles. Moi, j'aime bien, moi. Ouais, toi, t'aimes bien. Bah, c'est partagé, hein. Il y a des filles qui nous disent que ça fait plus viril, c'est bien, il a l'air plus homme. Oui, après, bon, si t'as besoin d'une barbe pour avoir l'air homme, moi, pas besoin de barbe, tu peux me raser. J'ai l'air d'un mâle viril. Un bonhomme, sans aucun problème. Ah ouais, c'est clair. Attends, attends. C'est vrai qu'il se rase complètement, dirait une boule. Oui, c'est vrai. Ah. Jamel Debbouze, ce matin, qui réveille la famille de Bernard. Bonjour. Attends, c'est pas coup du ta voix, là. Moi, c'est le numéro 10. Attends, je vois pas, attends, numéro 10, attends. Il y a pas de numéro 10. C'est le numéro 10. Numéro 10. Ah, c'est bis. Bis. Pas le mien tout de suite. Bah c'est lui qui jouait dedans. Oh. Oui. C'est Jamel Debbouze qui jouait dedans. Ouais. Ça y est, je m'en. L'enfoiré. Tu m'as bien baisé. Écoute, ta voix, j'avais déjà entendu, mais j'ai. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Oh bah dis donc, ce matin il y a Jamel Debbouze qui nous a appelé à la maison. C'est quand même un truc de fou hein. Ouais mais écoute, moi j'y vais régulièrement à la salle de sport en bas de chez moi. Tu vas soulever de la fonte. Oui un peu. Je soulève, ça se voit non? Oh, bah, ah bah c'est impressionnant. Bien sûr, hein. Bah oui c'est clair. Mais pourquoi aller dans une salle alors que tu peux courir dans la rue? C'est gratuit hein. Ouais parce que t'as des engins là. Tu sais les trucs les T'as l'air de t'y connaître grave. Mais grave. Oui, bonjour, c'est la radio au téléphone. Quelle radio? Ah bah ça je peux pas vous dire parce qu'on vous a tiré au sort, on vous appelle pour vous offrir 1500 euros ce matin. Oui, c'est le gros cadeau du matin. Un des gros cadeaux du matin, mais il est pour toi. Si tu me dis quelle est ta radio préférée et si t'as la bonne. Skyrock. Skyrock, c'est la bonne, je confirme. Validé. Je valide et c'est gagné, tu viens de gagner 1500 euros ce matin. Oui. Bravo. C'est super. C'est la radio, Marine. On t'appelle pour t'offrir 1500 euros ce matin. Oui. On va te poser une question. Si t'as la bonne réponse, tu repars avec ton chèque. Marine. C'est Skyrock. Mais oui, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Et c'est gagné. Bravo, Marine. Ouais, Marine. Ouais. Ouais, c'est la matinée des filles hein, ce matin. Patricia et Marine, elles ont gagné 1500 euros. C'est tombé à Besançon. C'est tombé à Lens et ça tombera peut-être chez vous. Profitez du week-end pour vous inscrire comme des fous et comme des folles. Allez-y. Ouais. Vous allez sur le 72020, vous envoyez 1500 en chiffres. Hein. 1500 au 72020 et vous êtes inscrit pour le prochain rendez-vous des 1500 euros lundi. Lundi matin, on vous appelle. Et ouais, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. Bah écoutez, merci pour cette semaine de rentrée. On s'est bien marré cette semaine. Ouais, c'était bien. On recommence donc lundi matin entre 6h et 9h. N'oubliez pas, demain matin entre 6 et 9, c'est le morning best du samedi matin avec Vincent. Les meilleurs et les pires moments du morning. Si vous avez envie de réécouter des trucs qui se sont passés cette semaine, vous envoyez des messages à Vincent tout au long de la matinée de demain. Vous profitez bien. Et puis lundi, en direct, le retour. Mais n'oubliez pas, Ce soir, Fredo, qu'est-ce qui se passe après le super Planète Rap de 20h à 21h? Il y a le retour de toute l'équipe de la Radio Libre. Et oui. Fantastique. Ça va? Ouais, ça va bien. On a passé tranquille. Une belle matinée, belle soirée hier avec le match de foot des Bleus qui ont gagné. J'avais dit 2-0, donc c'est comme un 3-1, pareil. Moi, j'avais dit 3-1 hier matin et hier soir, donc je suis content de mon pronostic. Encore une fois, un bon pronostic. Mais que dalle, t'avais pas dit ça. Si, il a dit ça, dit Foul, j'ai entendu. Ah bah, t'écoutes le morning, toi. Non, mais les gars, laissez tomber, les augmentations, c'est mort. Hein. Ah ouais. Dit Foul a toujours raison, Romano. Ouais, c'est ça. Bon, du foot hier soir et du sport ce matin avec Fred. Attention, vous allez pouvoir vous éclater comme des fous, twerker, danser, kiffer le son. On va commencer avec du twerk. C'est quoi? C'est le Rihanna Calvin Harris. Ah, c'est bien ça. Ouais, il est bien. Ouais, il est bien ça. Un des sons de l'été et puis plein de sons tout au long de la journée. Les exclus Skyrock, Urban Music Non-Stop sur la première radio urbaine mondiale. C'est parti. Oui. On y va. Et rendez-vous à 21h tout à l'heure en direct. Ciao. À toutes. À tout à l'heure. C'est parti à 9h15, bonne matinée, bon vendredi à vous tous sur Skyrock, rap, R&B non-stop. On est parti, je vous le disais avec Difool à l'instant, Calvin Harris, le DJ et producteur anglais, Rihanna. C'est ce qu'on écoute maintenant sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Stop. Tout le monde

to give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Je vous conseille vraiment d'aller jeter une oreille, hein, sur l'album de DJ Snake qui est sorti cet été. L'album s'appelle Encore et vous retrouverez plein de morceaux, dont celui-ci, le morceau avec Justin Bieber, Let Me Love You, à l'instant sur Skyrock. Le son, ça continue. Shai, qui nous vient de Belgique, qui est la petite protégée de Booba. Le morceau, c'est PMW pour Pussy Money. Et oui, c'est maintenant sur Skyrock. Et puis juste après, on fera un petit retour en arrière, tiens, avec un morceau de Justin Timberlake. Ce sera Cry Me a River, avec version avec 50 Cent, s'il vous plaît. Hey, hey, sur ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient, ils veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchons dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Tu vas gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Yeah, it's supposed to have a remix. That's how you make one hit record into two. 50 Cent. I remember when you used to love me. You used to kiss and hug me. I look into your eyes and get lost for a day. You love me's what you told me. All that time I let you hold me. How I ain't feel you slipping away. You were my sun. You were my earth. But you didn't know all the ways I loved you. No, so you took a chance and made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, you don't have to say what you did. I already know. I'll jump up my chin. There's just no chance. Will you get me? There'll never be. Don't it make you sad about it? Tell me you love me. Woo! Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. When you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Yeah. The bridges go burn. Now it's your turn to cry. Tell me you're in. unsaid. But it wasn't like you only talked to him and you know it. Don't act like you don't know it. All of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Done in the dark comes the light. I'm finna kick you to the curb. You smile all up in my face. Girl, you got a lot of nerve. Situation so absurd. You ain't special, you's a bird. Get your shit and hit the dough. You ain't welcome in no more. Ain't no sense in you crying. Girl, you know I know you lying. You must take me for a fool. Thinking I'ma stay with you. First, give me back my jewels. Bitch, I ain't playing with you. Don't have to say what you did. I already know. There's just no chance. No chance. You and me. Don't it make you sad? Go on, cry. Oh, cry me a river. Whitney. Oh, cry me a river. Go on and cry. Oh, cry me a river. Mess up your mascara and all that, girl. Call your expensive makeup. Cry me a river. 50 Cent. Justin Timberlake remix, you heard me? Cry me a river. Cry me a river. Justin Timberlake, 50 Cent à l'instant avec Cry Me a River sur Skyrock. Passez une bonne matinée à 10h moins le quart. Dans une petite heure maintenant, on fera tourner ensemble la roulette. Si ça vous dit de faire tourner, de repartir avec des places pour la tournée de Maître Gims. Maître Gims en tournée avec Skyrock, ça continue, hein. 25 novembre du côté de Nantes, le 27 à Amnéville, le 28 novembre au Zénith de Lille, le 30 novembre à l'Accord Hôtel Arena de Paris-Bercy, puis le Zénith de Dijon, aussi de Clermont-Ferrand, le Dôme de Marseille et Lyon, la Halle Tony Garnier. Ce sera au mois de décembre, des places à choper. N'hésitez pas à faire tourner. Vous envoyez roulette au 7 20 20 à partir de 10h.